Paysage de foule. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Au secours! Au secours! Et M. Rodiguet, sur le seuil de sa porte, brusquement ouverte, apparut, la barbe en désordre, les bras en l'air, le regard hagard, la bouche convulsée. Ah mon Dieu! Oh mon Dieu! Au secours! Au secours! C'était justement l'heure de sa promenade quotidienne. Aussi, la stupéfaction de le voir en cet état fut-elle générale et profonde. Il y eut dans le petit bourg comme un ralentissement, soudain, comme un arrêt de la vie. Il se passait une chose incroyable. M. Rodiguet, d'ordinaire si calme, si doux, si méthodique dans sa façon de sortir de chez lui, lui qui marchait si lentement, à pas comptés, les genoux en dehors, les jambes écartées symétriquement, au même angle, le dos humble, voûté, toujours souriant et poli. Il faisait en ce moment des gestes extravagants, grimaçait d'horribles grimaces, se démenait, était si pâle, avait la figure si tordue, qu'on l'eût dit en proie à une attaque d'épilepsie. Revenus de leur première surprise, des voisins, des passants, des chiens accoururent, se groupèrent autour de M. Rodiguet. « Ah mon Dieu! Ah mon Dieu !» s'écria de nouveau M. Rodiguet, dont l'étrange et incompréhensible mimique allait, à chaque minute, s'accentuant dans l'effarement et dans l'épouvante. Alors des voix crièrent çà et là. « Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? M. Rodiguet, que vous est-il arrivé? Êtes-vous malade? Qu'est-ce qu'il y a? Ah mon Dieu! Ah mon Dieu! Au secours! J'ai ma... Au secours !» Le ululement de cette plainte insolite, la douleur de cet appel imprévu, coururent dans la rue, de porte en porte, de fenêtre en fenêtre, mirent à toutes les ouvertures des visages subitement consternés et curieux. Des interrogations se croisèrent. « Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Où sont-ils? Où allez-vous? » Quelqu'un demanda. « Est-ce un cirque qui arrive? » Un autre demanda encore. « Est-ce le feu? » Des gens sortaient en hâte, prudents. « Le feu? Le feu? Où est le feu ?» Des gamins en train de jouer, des femmes en train de coudre, se précipitèrent dehors, leurs yeux clignant vers le ciel, au-dessus des toits. « Le feu? Le feu? Où est le feu? Pourquoi ne bat-on pas la générale? Pourquoi n'entend-on pas le tocsin ?» En une seconde, l'un suivant l'autre, une foule s'amassa devant la porte de M. Rodiguet, sans savoir pourquoi. « Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est donc pas le feu? Où donc sont les pompiers? On ne voit pas les pompiers? On ne voit pas les flammes? On ne voit rien ?» Un homme qui tenait dans ses bras un petit enfant s'écria « Vous ne voyez pas qu'il est fou ?» Et plusieurs aussitôt, de tous les côtés, répétèrent « Il est fou ? Il est fou ! Qu'est-ce qui est fou ? Qu'est-ce qui est fou ? Prenez garde, n'approchez pas, et il va vous mordre. Il faudrait lui jeter un sac sur la tête. N'approchez pas, allez chercher les gendarmes !» La foule grossissait, et ce mot « il est fou » circulait, bondissait de bouche en bouche. Les nouveaux survenants demandèrent « Mais qui est fou ? Vous ne voyez donc pas ? Il bave, ses yeux se tournent. Qui ? Qui ? Quoi ? Est-ce un chien ? Monsieur Rodiguet ! Monsieur Rodiguet ! Ah ben, en voilà une histoire. N'approchez pas !» Pour la cinquième fois, Monsieur Rodiguet, en tordant ses bras, « Ah mon Dieu ! Ah mon Dieu ! Mes bons amis ! Mes bons, mes chers !» Et il s'abattit dans le demi-cercle étroit formé par la foule, qui recula d'instinct épouvanté. Il eut un cri d'horreur, puis un silence. M. Rodiguet, sur le sol, gisait inerte, les deux bras en avant, ses jambes contre la marche de la maison, les pieds en l'air. Une voix dit « Est-ce qu'il est mort ?» Une autre répondit « On dirait qu'il est mort. » La première dit ensuite « Allez voir s'il est mort !» Ensuite, la deuxième voix répondit « Oui, je crois qu'il est mort. » « Et il ne saigne pas, mais je crois qu'il est mort. » Et le mot « mort » qui passait de lèvre en lèvre raidit tous les cols, tendus simultanément dans la direction de M. Rodiguet, couché sur le ventre, immobile, sa barbe dans la poussière. Alors, un homme, dont les bras étaient nus et velus, et qui portait, sanglé aux reins, un tablier de cuir comme en ont les charrons, se détacha de la foule, s'approcha du corps étendu, tourna autour de lui, se pencha sur lui, mit sa main noire sur lui et il dit « Il bouge, il a bougé, il bouge encore. Mais alors s'il bouge, c'est qu'il n'est pas mort, peut-être. Retournons-le. Non, tape-lui dans le dos. Et le charron annonça. Ses yeux remuent. Oui, ils ont remué. Ils remuent encore. Mais alors, si ses yeux ont remué, emmenons-le. Portons-le dans sa maison. Mettons-le sur son lit. Le médecin, un médecin, vite! L'homme au bras velu souleva M. Rodiguet dans une forte étreinte. Il geignait, les veines du cou gonflées par cet effort. Qu'il est lourd, bon Dieu, qu'il est lourd! La foule s'était rapprochée, enhardie, secourable. Taisez-vous! Il parle! Il a parlé! Il a parlé? Oui, il a parlé! Et qu'est-ce qu'il dit? Mettez-le sur la marche, vous l'étouffez! Mais taisez-vous donc, puisqu'il parle! Et parmi le léger frémissement des voix subitement tues, l'on entendit, comme un souffle, M. Rodiguet qui soupirait. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» L'homme le déposa sur la marche, déboutonna le col de sa chemise. « Eh bien, M. Rodiguet !» M. Rodiguet respira longuement et regarda la foule, étonné de tout ce monde qu'il regardait. De grosses gouttes de sueur roulaient sur son visage. « Allons, monsieur Rodiguet, dit l'homme au tablier de cuir, vous êtes malade. Nous allons vous porter dans votre chambre. Nous allons vous mettre sur votre lit. »« Non, non, laissez-moi ici. Je ne veux pas. » Ses dents claquaient, une épouvante crispait sa face. Il balbutia encore. « Laissez-moi ici. Je ne veux pas aller dans ma chambre. Je ne veux pas qu'on me mette sur mon lit. »« Monsieur Rodiguet, ça n'est pas raisonnable. »« Non, non, je ne veux pas. Allez-vous. » « Allez, étâtez si son cœur bat toujours !» Un murmure s'éleva de la foule. « Qu'est-ce qu'il dit ? Il a parlé de son cœur ? Fermez-lui les yeux !» supplia M. Rodiguet. « Mais quel cœur ! Mais quels yeux ! Il a perdu la raison ! Il déménage !»« Allez ! Allez ! Elle va être toute froide ! Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Moi, je n'irai plus jamais dans ma chambre. Moi, je ne dormirai plus jamais dans mon lit. Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! « Il est fou, il est fou. Tiens, parbleu, bien sûr qu'il est fou. Je l'avais dit tout de suite. Moi aussi, je l'avais dit. Ça se voit bien. Faut pas être malin. » L'homme accota M. Rodiguet à l'angle de la porte. Il entra dans la maison. Au bout de quelques minutes, il revint, stupide, lui aussi, et les yeux effarés. « Au secours ! À l'assassin ! Elle est morte !»« Elle est morte ? Qui est morte ? Madame Rodiguet. » « Madame Rodiguet est morte ?»« Oui, il l'a tuée !»« Monsieur Rodiguet l'a tuée ?»« Oui, il l'a tuée !»« Elle saigne par le crâne, elle est toute raide !»« Au secours, à l'assassin ! Allez chercher les gendarmes !»« Et le maire ? Où est le maire ? Allez chercher le maire !»« Entrons dans la maison, allons voir ça, elle est toute raide !»« Il l'a tuée !»« Il y a peut-être beaucoup de sang !»« Un homme si doux, si poli, vous savez qu'elle le battait !» Elle ne lui donnait que des os à manger. Elle le faisait coucher par terre. Un jour, elle lui a jeté de l'eau bouillante dans la figure. Oui, oui, et puis elle couchait avec le facteur. À l'assassin, à l'assassin! La foule grossit. De toutes les rues, de toutes les ruelles, de toutes les maisons, les curieux affluèrent. Qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il l'a tué. Les gendarmes! Voilà les gendarmes! Les gendarmes, très rouges, arrivèrent. Le brigadier, énorme, demanda. Qu'est-ce qu'il y a? Allez-vous-en! « Circulez. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Laissez passer les gendarmes. »« Qu'est-ce qu'il y a, nom de Dieu ?»« Elle est morte. »« Qui est morte ?»« Allez-vous-en. »« Il l'a tué. »« Il l'a tué ? Qui l'a tué ?»« Circulez. Mais circulez donc, nom de Dieu !» Des poings, des coudes, de la poitrine, les gendarmes s'enfoncèrent dans la foule, jurant, interrogeant, et purent enfin pénétrer jusqu'au seuil de la maison, où M. Rodiguet, affolé, gémissait toujours. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» De ci, de là, dans la foule, quelques voix commandèrent. « Arrêtez-le ! C'est lui ! Il a tué ! Qui, lui ? Où ça, lui ? Mais Rodiguet ! Rodiguet ! Rodiguet ! À mort ! Oui, oui, à mort ! À mort ! À mort !» À ce moment, le brigadier aperçut M. Rodiguet affaissé comme un paquet contre la porte. « Oui, oui, c'est lui ! À mort !» M. Rodiguet, d'une voix triste et faible, soupira. « Ce n'est pas moi, c'est elle. Elle est tombée tout d'un coup contre la cheminée. Ce n'est pas moi. »« Si, si !» criaient les mêmes voix dans la foule. « C'est lui, nous l'avons vu. Elle saigne par le crâne, elle est toute raide. »« Pourquoi voulez-vous que ce soit moi ?» reprit M. Rodiguet. « Pourquoi ? Ah, mon Dieu, Ah, mon Dieu! Taisez-vous, ordonna le brigadier. Il se tourna vers la foule qui poussait toujours de violentes clameurs de mort. Allez-vous-en, circulez! Qu'est-ce que vous foutez ici, vous autres? Allez-vous-en! Puis il s'adressa aux deux gendarmes qui le suivaient. Verbalisons, allez chercher le médecin, allez chercher le juge de paix, verbalisons. Et posant sa large main sur l'épaule de M. Rodiguet, tandis que la foule hurlait à la mort, il dit « Au nom de la loi, je vous arrête. » Le petit pavillon. Ayant subi d'importantes pertes dans les affaires malheureusement moins certaines et tout aussi honorables que les syndicats du Panama, des chemins de fer du Sud et autres, force me fut un jour de faire argent de tout, comme on dit. Ah, il y a des moments dans la vie où l'on regrette de n'avoir pas le moindre rénac sous la main et de ne pas être le premier Yves Guyot venu, ce qui arrangerait bien des choses. Mais silence aux vaines réclamations, ce n'est pas pour me plaindre que j'écris ces lignes. Donc je diminuai mon train de maison et je réduisis ma domesticité au strict nécessaire. Je veux dire à un valet de chambre et une cuisinière. Sans que, d'ailleurs, l'économie me parût bien notable. Ces braves serviteurs s'étant mis aussitôt, à eux deux, à me voler autant que les cinq que j'avais congédiés. Je vendis chevaux et voitures, ma collection de tableaux, mais de faïences persanes, une partie de ma cave, hélas, et mes trois serres, lesquelles étaient garnies de plantes rares et magnifiques. Enfin, je me décidai à mettre en location un petit pavillon, un délicieux petit pavillon indépendant de la propriété, et que j'avais spécialement aménagé pour des visites mystérieuses qui me coûtaient fort cher et que je dus supprimer aussi. Par sa position isolée dans le parc et son ameublement confortable, ce pavillon pouvait fort bien convenir à un villégiaturiste de n'importe quel sexe qui, durant 3 mois d'été, eût désiré y peupler son célibat ou y cacher son adultère. Alléché par des annonces dans ce sens, beaucoup de personnes, étranges ma foi, et fort laides, vinrent à qui je vantais l'excellence et la sécurité de cette retraite, extérieurement tapissée de vignes vierges, car pour l'intérieur, ce n'était point l'habitude. Oh non, qu'on y vit des feuilles de vigne, et encore moins des vierges. Mais ces personnes se montrèrent si exigeantes. Quant aux réparations à faire, ne voulaient-elles pas qu'on portât la cave au grenier, et le grenier à la cave, que je ne pus m'entendre avec elles, et je désespérais de louer jamais ce pavillon, car la saison s'avançait, lorsqu'un après-midi, un petit monsieur, très rasé, très droit, très poli, et déjà vieux, se présenta, le chapeau à la main, pour visiter. Il avait des vêtements d'une coupe ancienne et qui ne faisaient pas un pli, une longue chaîne de montre chargée de breloques bizarres, et une perruque d'un blond verdâtre dont l'architecture démodée rappelait le plus mauvais jour de notre histoire orléaniste. Ce petit monsieur trouva tout admirable, admirable, et ne cessa de s'extasier en termes si complimenteurs que je ne savais vraiment comment lui répondre. Dans le cabinet de toilette, devant les peintures licencieuses qui ornent les panneaux, alternant avec les glaces, sa perruque eut un mouvement d'oscillation, presque de tangage, et il fit « Ah ah, c'est de Fragonard, » expliquai-je, ne sachant pas si ce « Ah ah » contenait une réprobation ou marquait un contentement. Mais je fus vite fixé. « Ah !» répéta-t-il, « de Fragonard, vraiment ? Admirable !» Et je vis ses petits yeux se plisser étrangement, sous l'influence d'une sensation non équivoque. Après un court silence, il employa un examen plus détaillé des panneaux, il dit « Et bien entendu, je prends ce pavillon admirable. » « Et c'est discret, » ajoutai-je, sur un ton confidentiellement égrillard, tandis que, par la fenêtre ouverte, je désignais d'un geste éloquent le haut, l'épais, l'impénétrable rideau de verdure qui nous entourait de tous les côtés. Et si discret, parfaitement. Devant l'enthousiasme respectueux et probablement folichon de cet accommodant locataire, je crus devoir, sous divers ingénieux prétextes et sans nulle objection de sa part, majorer de quelques centaines de francs le prix déjà exorbitant que j'avais fixé dans les annonces. Mais ceci n'est qu'un incident sans importance, et si j'en parle, c'est uniquement pour rendre hommage à la parfaite bonne grâce de ce petit monsieur, qui se déclara, au surplus, enchanté de mes façons d'agir envers lui. Nous rentrâmes à la maison, où je m'empressai de rédiger un court bail, sous Saint-Privé, par quoi je fus amené à lui demander son nom, prénom et qualité. Je suis ainsi qu'il s'appelait Jean-Joseph Lagoffin, ancien notaire à Montrouge. Je le priai ensuite, pour la bonne correction de l'acte passé entre nous, de me dire s'il était marié, veuf ou célibataire. Sans me répondre, il aligna devant moi, sur la table, une rangée de billets de banque, ce qui m'obligea sans plus à lui donner quittance de son argent et de mes questions. Évidemment, pensais-je, il est marié, seulement il ne veut pas l'avouer, à cause de Fragonard. Alors je le regardai davantage. Je regardai ses yeux qui eussent peut-être exprimé de la douceur s'ils avaient exprimé quelque chose. Mais ils n'exprimaient rien, tant ils étaient morts, en ce moment, morts autant que la peau du front et des joues, laquelle, molle, plissée et toute grise, semblait avoir été cuite et recuite à petit feu dans de l'eau bouillante. Après avoir accepté, par politesse, un verre d'orangeade, Jean-Jules-Joseph Lagoffin partit avec force remerciements, salutations et révérences, en me prévenant qu'il viendrait, si cela ne me dérangeait pas, qu'il viendrait le lendemain même s'installer dans le petit pavillon dont, sur sa prière, je lui remis une des clés. Le lendemain, il ne vint pas. Le surlendemain, il ne vint pas davantage. 8 jours, 15 jours s'écoulèrent sans que j'entendisse parler de lui. J'étais curieux, mais explicable après tout. Il était peut-être tombé malade. Mais il m'eût écrit. Son excessive politesse m'en était le garant. Peut-être la compagne qui devait amener dans le petit pavillon avait-elle, au dernier moment, refusé de venir. Ceci me sembla davantage plausible, car je ne doutais pas un instant que Jean-Jules-Joseph Lagoffin n'eût loué cet admirable et discret pavillon en vue d'une compagne quelconque, ses yeux bridés à l'éblouissante vision des Fragonards et le mouvement désordonné de la perruque, mettant une indication formelle de ses intentions luxurieuses. Et je jugeai que je n'avais pas à me préoccuper outre mesure qu'il vint ou qu'il ne vint pas, puisque j'étais payé généreusement, payé au-delà de mes espoirs. Un matin, j'allais donner de l'air aux pièces du petit pavillon, resté fermé depuis la visite de Jean-Jules-Joseph Lagoffin. Je traversai l'antichambre, la salle à manger, le salon, et sur le seuil du cabinet, je poussai un cri et reculai d'horreur. Sur des coussins, un corps nu, un cadavre de petite fille était étendu, effroyablement raide, les membres tordus et convulsés, comme ceux d'un supplicié de la torture. Appelez au secours, appelez mes gens, appelez tout le monde. Tel fut mon premier mouvement quand, soudain, la première impression d'épouvante passée, je réfléchis qu'il valait mieux d'abord examiner les choses par moi-même, tout seul, sans témoin. J'eus même la précaution de refermer à triple tour la porte d'entrée du pavillon. C'était bien une petite fille de 12 ans à peine, une petite fille avec des formes grêles de jeune garçon. Elle portait à la gorge des marques de doigts strangulateurs, sur la poitrine et sur le ventre de longues, de fines, de profondes déchirures, faites avec des ongles, ou plutôt avec des griffes pointues et coupantes. Sa face gonflée était toute noire. Sur une chaise, des vêtements de pauvresse. Une pauvre petite robe effrangée et boueuse, des jupons en loques étaient rangés presque minutieusement, et sur le marbre de la toilette, j'aperçus, dans une assiette, un reste de pâté, 2 pommes vertes, dont l'une avait été grignotée comme par des dents de souris, et une bouteille de vin de champagne vide. Il n'y avait rien de changé dans les autres pièces que j'examinais l'une après l'autre. Chaque meuble, chaque chose était à leur place coutumière. Alors, rapidement, fiévreusement, sans ordre, je songeais. Avertir la police, la justice, jamais. Les juges viendraient et je ne saurais quoi leur dire. Dénoncer Jean-Jules-Joseph Lagoffin? Évidemment, cet homme ne m'avait pas dit son véritable nom, et je n'avais pas besoin d'aller à Montrouge pour savoir qu'il n'y habitait point. Alors, quoi? Il ne me croirait pas. Il croirait que c'est une défaite. Il ne pourrait pas admettre que cet homme qui avait commis cet abominable crime, à 2 pas de chez moi, dans une étrange maison qui m'appartenait, je ne l'eusse pas vu, pas entendu. Ah, d'autres, on ne se moque pas de la justice à ce point. Alors, méfiant, avec des regards de hyène, ils m'interrogeraient, et fatalement, je tomberais dans le guet-apens de leurs questions insidieuses et louches. Ils iraient fouiller ma vie, toute ma vie. Fragonard m'accuserait. Fragonard crierait l'impudicité de mes plaisirs, la honte coutumière de mes luxures. Il voudrait savoir le nom de toutes celles qui sont venues ici, de toutes celles qui pourraient être venues ici, de toutes celles qui ne sont pas venues ici. Et toutes les saletés des domestiques chassés, du grainetier que j'ai quitté, du boulanger que j'ai convaincu de faux pois, du boucher à qui j'ai envoyé sa viande empoisonnée, et tous ceux qui seraient prêts, sous la protection du juge, à me salir de boue, de leur vengeance et de leur rancune. Et finalement, un beau jour, devant mes réticences, l'embarras de mes réponses, ma peur des scandales qu'ils prendraient pour des aveux, ils m'empoigneraient. Ah non, pas de juge, pas de gendarme, pas de police ici. Rien, rien qu'un peu de terre sur ce pauvre petit cadavre, un peu de mousse sur la terre, et le silence, le silence, le silence sur tout cela. Je repris la robe effrangée et boueuse, les jupons en guenilles, et j'en enveloppai, comme d'un suaire, le corps de la petite inconnue. Puis, après avoir vérifié que tout, dans le pavillon, était clos hermétiquement, clos aux curiosités indiscrètes ou fortuites de mes domestiques, je sortis. Durant toute la journée, j'errai autour du pavillon, attendant que la nuit vînt. Ce soir-là, c'était la fête du village. J'ai envoyé mes gens, et quand je fus seul, bien seul, je me mis à ensevelir la petite dans le parc, profondément, au pied d'un hêtre. Oui, le silence, le silence, le silence, et la terre, la terre, la terre sur tout cela. Hier, dans le parc Monceau, je rencontrai Jean-Jules-Joseph Lagoffin. Il avait toujours la même peau molle, le même regard mort, la même perruque d'un blond verdâtre. Il suivait une petite bouquetière qui vendait aux passants des fleurs de soleil. Près de moi, un sergent de ville se dit tendiné en regardant une bonne. Mais la stupidité de son visage me fit rebrousser chemin. Je prévis les complications inextricables, les quoi, les caisses. Ma foi, qu'il s'arrange, me dis-je, ce n'est pas mon affaire. Et lestement, je m'enfuis dans la direction contraire à celle du sergent de ville, de Jean-Jules-Joseph Lagoffin et de la petite bouquetière, que notre peut-être enfouira dans son parc sous un hêtre la nuit. Paysage d'hiver. L'autre jour, j'étais invité à une partie de chasse. Je ne suis pas chasseur, je suis même ce qu'on pourrait appeler un anti-chasseur. Mais je résolus néanmoins d'accepter cette invitation et de m'y rendre avec ma canne. Le départ de Paris avait lieu le matin, de très bonne heure, à la gare Saint-Lazare. Ce fut un spectacle curieux. Avant de pénétrer dans la salle d'attente, il fallut enjamber des corps couchés, de pauvres corps des migrants italiens qui dormaient, roulés dans les guenilles, en attendant le train d'exil. Face terreuse aux satures décharnées des êtres de faim et de misère, lamentable gibier traqué, chassé par des cinégètes de chair humaine qui finiront par détruire sur le sol sicilien jusqu'au souvenir de l'homme appelé, dans ce pays, à devenir une curiosité scientifique, un ornement de muséum, comme le mammouth ou l'ichthyosaure. Dans la salle d'attente, ils étaient une trentaine de voyageurs, tous chasseurs, armés d'écuis en cuir, bottés de cuir, sanglés de courroies de cuir, ou pendaient des filets pareils à des chevelures scalpées. Le collet du paletot de fourrure relevé jusqu'au bord, le chapeau mou, on ne voyait de leur visage que des barbes terribles et des ébouriffements de poils qui donnaient de la peur. Évidemment, le montagnard Tolrog, à la peau blanche, ou le brun lacustre Robson, si visionnairement évoqué par J. H. Roddy dans son admirable Erima, devait être ainsi. Et de les voir avec tant de cuir fauve, tant de fourrure et tant de poils, arpenter la salle à grande enjambée retentissante, la narine flairant déjà le gibier, l'œil fouillant le buisson ou dans la proie, le bras décrivant à l'avance des gestes de massacre, cela vous reportait au temps fabuleux de la préhistoire et des furieux combats de l'homme avec le tigre Spéléus, l'aurox et le loup. Ils parlaient entre eux, et leur langage presque incompréhensible, en argot quaternaire, ce langage fait d'articulations rauques ou sifflante, d'abois variés et de chromatiques hurlements, n'était pas pour effacer cette impression que juste devant moi de véridiques échappées des palafites de la Suisse ou des gros de l'Ariège. Autant que je pus saisir un sens verbal dans ce gutturalisme peu nuancé, je compris qu'ils célébraient leurs exploits de la semaine passée, leurs grandes victoires sur les lièvres, les perdrix et les formidables alouettes. Et moi aussi, j'eus la vision rapide, mais précise, des grands lacs et des forêts vierges, où nos ancêtres, vêtus de peaux de bêtes, barrissaient avec la même éloquence la mort de l'auroch et de l'antilope Rupi Capra. Dans le wagon où nous nous empilâmes, la conversation, tandis qu'on puisse appeler conversation tel échange de cris discordants qui rappelait ceux de l'Urus, du cerf hélas, de l'ours brun et du lémergégère, en vint sur les braconniers. La clameur fut si forte et si unanimement vocifératrice qu'il fallut, malgré le froid, ouvrir les portières, car on ne s'entendait plus, et on pouvait craindre que les cloisons du wagon ne résistassent pas à un pareil cyclone de colère. Chacun et tous à la fois, les poils de leur barbe plus hirsutes, les fourrures de leurs paletots plus ébouriffés, le cuir de leurs bottes, de leurs courroies et de leurs étuis animés d'une haine plus furibonde, ils proposaient des lois sanglantes, des supplices, des écartèlements, des tortures extra-chinoises contre les braconniers qui enlevaient aux chasseurs le plaisir d'une plus vaste tuerie, la joie d'un plus complet massacre. L'un d'eux émit cette idée que je traduis en langage connu. Pourquoi le gouvernement n'autorise-t-il pas la chasse aux braconniers? Pourquoi les préfectures ne pètent-elles pas les pattes d'un braconnier mort, comme elles font pour les loups? Pourquoi l'Institut Pasteur n'invente-t-il pas des fioles qui donneraient aux braconniers des infections mortelles, comme il fait pour les campagnols et les mulots? Pourquoi n'abat-on pas les braconniers pour les boucheries militaires? Chaque interrogation était, par tous les autres chasseurs, accompagné de vociférations approbatrices et de taillots forcenés qui couvraient le bruit du train en marche et les sifflements de la locomotive. Nous voici dans la plaine. Le ciel est bas. Un vent aigre et glacé souffle du nord-ouest. Une brume sale tombe sur les coteaux, enveloppe les champs d'une tristesse indicible. Les chasseurs marchent, écrasent les mottes de terre, retournent du talon de leurs bottes les emblaves de seigle de blé. Ils marchent, fusil au poing, œil attentif, narines frémissantes, à distance régulière l'un de l'autre. J'ai choisi mon chasseur, un immense dolicocéphale à barbe noire, harnaché comme pour une guerre sans merci, et je vais à côté de lui. À chaque pas qu'il fait sur le sol mou, il emporte des talles de blé. Il s'acharne sur le blé, dont les frêles pousses verdissent à peine, et il insulte des bandes de moineaux qui se lèvent à son approche. Et en termes grossiers, il leur reproche de n'être pas déperdré. À chaque minute, sa marche se fait plus agressive, plus colère. On entend des grondements sourds dans sa gorge. Il bouscule les pierres, les tas de fumier, les chaumes pourrissants et les jeunes mourons qui verdoient entre les mottes. De temps en temps, loin, partent des volées de perdreaux, mais si loin que c'est à peine si on les distingue. Alors le chasseur rend colère. Il invective les perdreaux, les défie, les couvre d'outrages, ne pouvant pas les couvrir de plomb. Et il me dit, « Ils sont trop lâches pour venir à portée d'un fusil. » Et il se met à philosopher. Du reste, en France, c'est partout la même chose. Tout fiche le camp, tout disparaît. Les principes, les vertus, la gloire, le gibier. Nous sommes un peuple pourri, un peuple fini. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien. Si vous croyez que c'est avec le suffrage universel qu'on repeuplera les chasses... Autrefois, est-ce que les perdreaux partaient à de telles distances? Ils vous partaient dans les jambes, autrefois, les perdreaux. Seulement voilà, il y avait une autorité, des principes, des lois. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Tant qu'il n'y aura pas d'autorité, une main de fer, un sabre, oui, un sabre, eh bien, ce sera comme ça. À ce moment, un lièvre part et détale. Le chasseur l'ajuste, le tire et le manque. Vache, crie-t-il, sale vache. Oh, le chameau. Puis, après ce moment de stupéfaction passé, il se mit à courir après le lièvre en aboyant comme un chien. La journée n'a pas été bonne. Trois perdreaux seulement étaient tués. Le chasseur, en rontre de ses trois dépouilles, se lamente. Et comme l'un des trois perdreaux a frémi de l'aile et qu'un léger spasme d'agonie a couru sous ses plumes, un des chasseurs le prend, l'assomme en lui frappant la tête sur le talon de sa botte et le rejette sur le sol à côté des autres en criant « Saleté, charogne !» Le soir, dans le compartiment qui nous ramène, les chasseurs fatigués dorment dans leur cuir, leurs fourrures et leurs poils, et je vois leurs lèvres s'agiter sous la pâle lumière qui tombe sur eux, et leurs bouches velues s'ouvrir comme pour un aboi de chien. Ils rêvent sans doute qu'ils sont chiens et qu'ils poursuivent dans les plaines vierges des lièvres grands comme des éléphants et des perdreaux aux envergures d'aigles. Le dernier voyage. Après avoir choisi un coin dans un compartiment encore solitaire, et quand j'y eus déposé en signe de possession hargneuse ma valise et mon plaid de voyage, je redescendis sur le quai et je flânai tout le long du train en attendant l'heure du départ. J'ai la tristesse invincible, l'incurable angoisse des départs. Même lorsque je vais vers des pays connus que j'aime, conduits par la promesse d'un repos ou par la joie d'une rencontre souhaitée, j'éprouve toujours au cœur comme un froid. Rien ne me donne l'idée de la mort comme de partir. Les malles ouvertes comme des cercueils, la hâte que je vois dans les yeux des gens qui m'aident, le mystère que prend la sonnerie de la pendule, la majesté extraordinaire que revêtent les choses que je quitte, et tout ce par quoi je suis jeté si violemment hors de moi, m'impressionne et me prédispose aux sensations les plus lugubres. Alors, pour distraire cette vanité tragique, j'essaie de m'intéresser à tous ces va-et-vient capricants et désordonnés qui font ressembler les gares d'immenses maisons de fous. Je tâche de m'amuser aux multiples et comiques spectacles de cette humanité en casquette anglaise qui ne sait où elle va et qui, essoufflée, haletante, se précipite au guichet, au wagon, s'y engouffre, s'y empile, s'y bouscule, ainsi que les fuyards d'une armée vaincue qui croient avoir trouvé une retraite sûre. Cela amène des scènes dont je m'efforce d'accentuer le sens caricatural pour ne pas voir ce qu'il y a, au fond, de terrible ennui et de véritable effroi. Donc, je flânais, lorsque je me heurtai à un groupe de 3 personnes qui stationnaient devant un compartiment de 3e classe. C'était d'abord une vieille dame d'une pâleur cireuse, tout en noir. Un châle de cachemire fané recouvrait son dos rond, que l'atout, de temps en temps, en secouait comme une chiffe. Un homme et une femme accompagnés, l'homme d'allure vulgaire, la femme d'urée sèche, et dont les yeux semblaient garder le reflet blanchâtre de registres et de livres de contes. Son masque, qui présentait une surface osseuse trop largement accusée, se plissait prématurément de rides couleur de cendre, au front et sous les zygomates saillants. « Ah, mes pauvres enfants, j'ai mis la vieille dame, je me sens plus mal, je ne me sens pas bien. « mais si, consola l'homme, tout ça, c'est des lubies. Vous êtes très bien, vous êtes bien mieux. »« Certainement, appuya la femme. D'abord, faut toujours que tu te plaignes. » »« J'en aurais pas dû partir encore, » reprit la vieille dame, en poussant un soupir, qu'un accès de toux interrompit brusquement. « Ah, mon Dieu, je sens qu'il va m'arriver quelque chose. »« Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Pour un petit rhume, voilà-t-il pas ?»« Non, non, je n'aurais pas dû partir encore. » « Mais je vous gênais, j'étais une charge pour vous. »« Mais non, il vous fallait la compas et le bon air, » intervint l'homme. « Sans ça, pardi, vous auriez pu rester. »« Ah, si j'avais pu prendre un bouillon seulement, je me sens si faible. » La femme eut un ton très aigre. « C'est ta faute, » dit-elle. « Tu n'étais pas prête, tu aurais manqué le train. »« Certainement, » fit l'homme, « nous n'avions que le temps. » La vieille dame gémit. Une larme roula de ses paupières, qui entourait ses yeux d'un cercle rouge. « mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai dans la tête. Tout tourne dans ma tête. »« Vous avez des lubies, belle maman, » dit l'homme gaiement. « C'est des lubies que vous avez dans la tête. » Et la vieille dame gémit encore. « Ah, si seulement j'avais pris un bouillon avant de partir. »« Eh bien, c'est ça, » fit la femme. « Tu en prendras un à Versailles. »« mon Dieu, il va m'arriver quelque chose. Si j'allais mourir en route, toute seule. Si j'allais mourir là-bas. » toute seule. Allons, allons, ne dis pas de bêtises, maman. Monte. Adieu. Adieu, ma fille. Le gendre hissa la vieille dame dans le wagon et la déposa dans un coin comme un paquet. Adieu, belle maman. Adieu. Adieu, mes enfants. Et quand la portière fut refermée, elle fondit en larmes. On appelait les voyageurs, je regagnai mon compartiment et m'installai le plus confortablement que je pus. Cette scène m'avait ému. Elle ajoutait une tristesse à toutes les tristesses ordinaires que me causent les départs. Je ne voulus pas y penser davantage et je tirai un livre de ma valise dans l'espoir que je pourrais m'abstraire de moi-même et oublié cette douloureuse apparition. Mais je ne pus pas lire. Entre les lignes du livre et mes yeux, toujours s'évoquait la physionomie mourante de la vieille dame et le visage insensible de l'autre. Ce visage blafard me poursuivait. Je revoyais aussi sans cesse, lorsqu'ils étaient partis, leur dos de meurtrier. À Versailles, nous avions un quart d'heure d'arrêt, je descendis et la pitié me mena devant le wagon de la vieille dame. Elle venait d'avoir une syncope, on s'empressait autour d'elle. Quelqu'un lui faisait boire un peu de bouillon, qu'on était allé chercher en toute hâte au buffet de la gare. Elle se ranima et dit « Merci, merci, maintenant ça va mieux, ça va bien. » En effet, il me sembla que ses joues s'étaient colorées d'un afflux de sang, et son regard avait quelque chose de moins fixe, de moins lointain. Je regagnai mon wagon. Après tout, elle n'était pas si malade que je l'avais pensé. Une faiblesse, voilà tout. Maintenant, elle va s'endormir, et puis, les belles mères. La nuit était venue, je ne songeais plus à la vieille dame, et sur les coussins, je m'étendis de tout mon long, bercé par le rythme endormeur des wagons roulant à toute vitesse. Je ne me réveillais qu'à Rennes, où je descendais. Encore tout engourdi de sommeil, je suivais le facteur qui portait ma valise, sans avoir conscience de ce qui se passait autour de moi. Je voyais des ombres fuir, des ombres se croiser, des êtres de rêve dans des paysages imprécis, auxquels les vitrages mal éclairés de la gare donnaient des aspects de terre noyée dans une eau de ténèbres et de lumière funéraire. Tout d'un coup, le facteur s'arrêta devant un rassemblement. Quelques personnes criaient en gesticulant. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un médecin, vite, un médecin !» clavait un voyageur. « Est-ce un accident ? » demandai-je au facteur. « Non, répondit cet homme paisible. C'est une femme qui est morte dans le train. Une vieille femme. » Je parvins à m'approcher du compartiment sur lequel 30 curieux en tas tendaient leur tête qu'animait le désir de voir la mort. « Allons, faites de la place, faites de la place !» Et je vis le cadavre que deux hommes d'équipe soutenaient, l'un sous les aisselles, l'autre par les jambes, passé près de moi. Je reconnus le châle de cachemire fané de la vieille dame et son visage de cire pâle. Elle était déjà raide et toute froide. Est-ce une mort subite ou bien ce crime ? Se demandaient près de moi deux voyageurs. C'est un crime, proférai-je. Un meurtre, un vrai meurtre, je le sais. Et tandis qu'un frisson faisait claquer mes dents, j'ajoutai d'un ton qui sembla étonner grandement les spectateurs de cette scène. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Ou un petit rhume, voilà-t-il pas ? Un joyeux de rire. Figurez-vous un petit tonneau planté sur de courtes jambes et surmonté, en guise de visage, d'une tomate rougeoyante et dodue. D'une belle tomate à qui une large fente dans le travers de sa pulpe donnerait une constante expression de rire. Tel est l'exact, succinct et symbolique portrait de Monsieur Cléophas Ordinaire. Depuis 2 ans qu'il est mon voisin de campagne, il ne m'est pas arrivé une seule fois de surprendre un air d'ennui, d'inquiétude ou de tristesse sur ce visage gras, souriant et somptueusement coloré de bonheur. C'est peut-être la seule créature humaine qu'il m'ait été donné de rencontrer, dont la physionomie, sans remords, révèle aussi lumineusement une existence, exemple de malheur et de ces accidents qui perpétuent sur le visage des autres hommes les empreintes de la souffrance et les morsures du souvenir. Ah, le brave homme que M. Cléophas Ordinaire ! Et combien il doit être heureux pour que jamais le passé ne revienne voiler d'une ombre, même furtive, la joie éternelle de ses yeux. Eh bien, voici ce que, un soir, en dînant chez moi, et le vin, l'incident aux confidences, me raconta l'excellent et joyeux monsieur Cléophas Ordinaire. J'ai eu, moi qui vous parle, une existence vraiment drôle, et je vous assure que je n'ai pas volé, ah non, par exemple, la petite pension de retraite que j'ai fini par toucher l'année dernière. Dieu sait après combien de difficultés, car la compagnie de chemin de fer où je servais comme chef de gare voulait me la contester. Est-ce pas une honte ? Et ma foi, me la contesta durant 3 ans. Si je n'avais pas trouvé une bonne place d'agent d'assurance, assurant sur la vie et contre les accidents, à votre service, mon cher monsieur, et je ne sais pas comment j'aurais fait pour vivre durant ces 3 ans. Non, en vérité, je ne le sais pas. Mais j'aurais vécu tout de même. Et ici, monsieur Cléophas Ordinaire se mit à rire bruyamment. Jamais d'ailleurs je n'ai vu un homme rire d'aussi franc rire que monsieur Cléophas ordinaire. Son rire calmé, il continua. S'il fallait que je vous raconte tout ce qui m'advint d'extraordinaire, je n'en finirais pas, et nous serions encore autour de cette table à 5 heures du matin. Il faut savoir se borner. Parmi mes nombreuses aventures, dont quelques-unes sont inconcevables, et même, j'ose dire, uniques, j'en choisirai deux seulement. Elles vous donneront une idée des autres. Une de mon enfance, une de ma, mettons, vieillesse. Qu'est-ce que ça fait? On est vieux que par la tristesse, n'est-ce pas vrai? Or, moi, j'ai toujours la gaieté imperturbable de mes 15 ans. Et quand la gaieté va, tout va. Demandez plutôt à ma gouvernante, cette chatte de Rosalie, que chaque jour... Eh oui. Tout son ventre fut secoué d'un rire qui se prolongea comme la sonnerie dansante, roulant et sursautante d'un réveil matin. Monsieur Cléophas ordinaire avala un plein verre de cognac et, tapant ensuite sur la table, il reprit verveux. Attention, c'est le moment. J'avais alors 13 ans et ceci se passa pendant les vacances. Un après-midi, comme j'avais été bien sage, je fus autorisé à accompagner mon père et mon oncle, qui étaient de grands chasseurs, à la chasse. Nous montions, je la revois encore, une sente étroite qui, bordée de ronces et d'ajoncs, menait au petit bois de galantes fontaines, lequel fourmille de lapins. Mon père et mon oncle, coude à coude, marchaient devant, causant de je ne sais quoi. Moi, à 4 pas d'eux, je venais derrière, portant le carnet. Mon père m'avait aussi ce jour-là confié son fusil. Imprudence fâcheuse, et qu'il doit bien regretter aujourd'hui, s'il est dans l'usage des morts, qu'il regrette quelque chose là-haut. Pour me donner un air plus martial, plus Saint-Hubert, j'eus l'idée de charger le fusil. Idée bien naturelle, en somme, et qui fut venue à n'importe quel gamin de mon âge. Les cartouches étant dans un des compartiments du carnier, cette opération m'était facile. Je chargeai donc le fusil. Et voilà que, par suite d'une fausse manœuvre, pan, le coup part, et que mon père, à droite, mon oncle, à gauche, s'abattent dans les ronciers de la sente, qu'il reste étendu sans un mouvement, sans un cri, la face tournée contre le sol et la nuque toute rouge de sang. La charge de plomb serrée et drue les avait atteints en plein crâne au moment précis et malchanceux où leur traite rapprochée se confiait, sans doute, quelques touchants secrets de famille. Ils avaient été foudroyés. Ils étaient morts. Ah, par exemple, ce n'était pas mal pour le début d'un aussi jeune chasseur. Et j'avais lieu d'être fier de ce résultat. Mais j'étais en même temps très surpris, très embarrassé, et je ne savais vraiment pas à quoi me résoudre. Situation complexe. Par bonheur, un paysan se montra dans les ajoncs qui voulut bien me tirer d'affaire et ramena quinqua dans son tombereau les 2 cadavres à la maison. « Malheureux Cléophas, qu'as-tu fait ? » cria ma mère, saisie d'horreur à la vue d'un tel gibier que, certes, elle n'attendait pas si copieux. Comptant sur une simple giblotte, selon la coutume. Et moi, ne sachant pas, en vérité, ne sachant pas quelle attitude prendre, et si je devais tirer une vanité de secours rare ou bien pleurer, je balbutiais bêtement. J'ai fait un coup double, donc. Il faillit s'étrangler à force de rire, et c'est à peine si 2 ou 3 verres de cognac, avalés coup sur coup, purent le remettre en état de poursuivre son récit. La boisson le rendit familier et bredouillant. Eh bien, qu'est-ce que tu as ? Fit-il. Je vois bien que cette petite anecdote t'a pas déridé. Elle est pourtant pas banale. Allons, avoue-le. Mais j'ai mieux à t'offrir, mon vieux copain. Et je pense que celle que je vais te conter maintenant dilatera ta rate morose et raccordée. À ta santé, et vive la bonne humeur. Après avoir choqué nos verres, voici comment ce diable d'homme parla d'une voix qui, de plus en plus, s'avinait. Je ne te dirai pas, à la suite de 15 infortunes familiales, je dus rentrer humble et joyeux dans l'administration des chemins de fer de l'extra-centre. Qu'il te suffise de savoir qu'à l'époque où j'illustrais ma vie de l'incroyable aventure que je vais te faire connaître, j'étais le chef de gare depuis des années et des années. Chef de gare et marié. Ah oui, marié. Jusqu'à la garde, mon vieux copain. J'entends par là que ma femme m'exaspérait outre mesure par ses tracasseries, ses tyrannies, etc. etc. Donc j'eusse perdu ma bonne humeur, mais elle m'exaspérait. Là, et elle m'exaspérait au point que j'eusse été capable de me livrer à des folies de reconnaissance envers celui qui m'en aurait débarrassé. Père Fa et Nefa, si j'ose m'exprimer ainsi. Eh bien, par un trait de génie, je fus celui-là. Tu vas voir comment. Rien n'est plus simple. Ma femme, qui depuis quelques jours était allée chez un ancien parent, devait rentrer le soir du 24 septembre 1890 par le train 18. Or, voici l'argument. La ligne étant à voie unique, le train 18 croise à la station le train 437, lequel se gare en arrivant et attend, pour repartir, que le train 18 soit passé. Ce jour-là, il y eut dans le service je ne sais plus quelle complication dont je profitai habilement, malgré les protestations du mécanicien, pour faire repartir immédiatement le train 437. Mon calcul était mathématiquement limpide. Faire se rencontrer les deux trains et amener une épouvantable collision. C'est toujours drôle, mais dans ce cas particulier, la drôlerie se compliquait de ceci, que ma femme, ma chère et horrible femme, se trouva dans le train tamponné. Comme le mécanicien hésitait à exécuter mes ordres, je lui expliquai. Le train 18 a 45 minutes de retard. En lâchant toute vapeur, vous atteindrez K avant le passage du train. Là, vous vous garerez et vous aurez gagné une bonne heure. D'ailleurs, je prends tout sur moi. Il partit. Oui, je pouvais prendre tout sur moi. La nuit était profonde et sans lune. Il y avait en outre une brume épaisse, une de ces brumes dont on dit qu'elles peuvent se couper au couteau. Bonsoir, adieu. Bien des choses à la camarade, chers petits agneaux. Naturellement, ce que j'avais prévu arriva, dans l'ordre où je l'avais prévu. À peine 2 kilomètres avaient-ils été franchis que, boum, bing, patatras, les trains se rencontrent, se montent l'un sur l'autre, se broient, s'enflamment. Les machines explosent. Des bras, des jambes, des crânes, des troncs épars. Toute une bouillie de chair humaine s'agglutinait à toute une pulvérisation de bois, de fer et de cuivre. Total, 150 morts, 212 blessés. Et parmi les morts, méconnaissables, hideusement mutilés, ma femme. Était-ce assez génial ce que j'avais combiné là? Monsieur Cléophas, ordinaire, trépigna, dansa sur sa chaise. Toute sa face de tomate dodue et rougeoyante s'alluma d'une illumination de joie. Mais il avait hâte de terminer son récit. Poursuivi ? Parbleu, tu le penses ? Négligence dans le service, infraction au règlement, homicide par imprudence. Oui, je pouvais attraper 50 prisons. Mais voilà où le comique atteint les vertigineuses hauteurs du prodige. Je fus acquitté à l'unanimité pour cette raison que j'avais chèrement payé l'inconscience de ma faute en perdant ma femme adorée, dans la catastrophe. Tout le monde fut d'accord pour me plaindre, les avocats, les juges et la compagnie. Enfin, et je t'offre le bouquet. Remercié par la compagnie, je trouvai tout de suite, en attendant la liquidation de ma retraite, une excellente et productive place d'inspecteur d'assurance, assurant sur la vie et contre les accidents. Oui, mon vieux, et à ta disposition. Et me tapant sur la cuisse, le corps soulevé par les hoquets, d'un rire, il ajouta « Et tu voudrais que je ne fusse pas gai ? Pas joyeux de rire, pas bon enfant, devant les miraculeuses chances dont se décora toujours ma vie, tu voudrais que ma face de joyeux garçon se voilât de tristesse et s'encrassât de mélancolie? Mais tu es fou! Tu es fou! Ah, il est fou! Et il ne rit pas! Rue donc, brute rêveuse et sentimentale, bourrique, sois gai, soyons gai! Puis ce furent des mots sans suite, des mots désordonnés et capricants. Je ne l'écoutais plus, car il était complètement ivre. Joseph. La semaine passée, on vendait à l'hôtel Drouot la bibliothèque du comte Trémoli. Elle était célèbre. Bien des anecdotiers en avaient jadis conté l'histoire et énuméré les richesses. Le catalogue, 4 tomes in 8e, dressé par Morgan et paru chez Téchenet en 1868, était lui-même devenu une rareté. Chaque année, on y ajoutait un supplément, car la passion du vieux comte grandissait avec l'âge. Elle ne s'arrêta qu'à sa mort, survenu, comme on sait, chez un bouquiniste de la rue de la Sorbonne, alors que le vieillard fouillait d'une main encore alerte dans les cartons. Cette vente fut un événement. Il y eut une foule énorme. Pendant les 27 vacations qu'elle dura, aucun ne manqua des marchands et des amateurs, et le moindre bouquin connut des enchères extraordinaires. Et je vis là, une fois de plus, combien la bibliophilie est une passion curieuse, et le plus souvent, disons-le, sans vouloir désobliger personne, à l'envers de la nature et de l'art. Tout ce qui ne peut pas se lire s'enlève à des prix fous, tandis que la belle littérature excite moins l'ardeur des adjudicataires. On ne sait pas trop ce qui détermine la valeur d'un livre, ou du moins, on le sait, mais on ne se l'explique pas. On sait que c'est presque toujours un futile détail, indifférent aux vrais artistes, comme aux vrais savants. Par exemple, la conservation intacte d'une couverture qui est, en général, fort laide et qui dépare l'harmonie d'un livre. Ou bien aussi des annotations, des marginations, du premier imbécile venu, ou encore sa rareté, qu'il faudrait souhaiter plus rare, jusqu'à une existence totale, puisqu'il n'offre ni l'intérêt d'une belle œuvre, ni la curiosité d'un document. Je fus assez surpris de voir que les splendides éditions du XVIe siècle, les classiques anciens, avec leurs somptueuses reliures, ouvraient comme des bijoux, leur indestructible papier, leur caractère fastueux, leur belle marge, ne trouvaient plus d'acquéreurs. On me signala qu'elle était plus à la mode, sans qu'on pût me dire la raison de ce délaissement. Car pourquoi une mode vient-elle? Pourquoi s'en va-t-elle? Tout le monde l'ignore. Je craignis de me rendre ridicule et de perdre à jamais ma réputation bien établie de bibliophile en achetant quelques-uns de ces ouvrages admirables qui excitaient si fort le mépris des marchands et faisaient lever les épaules aux amateurs les plus indiscutés, lesquels hier encore couvraient de billets de 1 000 francs la moindre de ces éditions. Et pour bien marquer que moi aussi j'étais dans le mouvement, j'exagérais à plaisir le mépris des uns, le haussement d'épaules des autres, tout en maugréant par moi contre mon indécente stupidité. Voyant un Virgile, merveille de reliure, de typographie, atteindre le prix de 10 francs, un expert me dit « Ah bien, ils ont donc une couche, les Américains. Car vous savez, ces sales volumes, ce sont des Américains qui les achètent. Ils les achètent par charté pour en faire des fonds de bibliothèque publique dans leur pays. 10 francs, ça. Ah, vrai. Folie, folie, dérision. » Moi, je tapais sur la table. Lui, il se donnait des claques sur la cuisse, en pouffant de rire. Et nous nous excitions à répéter tous les deux « En ont-ils une couche, ces Américains ? Folie, folie, dérision !» 10 ans auparavant, ce même expert avait payé le même Virgile 2000 francs et ne s'en souvenait plus. Doux souvenir de notre enfant. Si le XVIe siècle était fort malmené et tombé dans un complet discrédit, en revanche, tout ce qui touchait au XVIIIe siècle s'enlevait comme du pain, un jour de famine. Une enchère n'attendait pas l'autre. C'était une lutte ardente, une bataille acharnée autour de la plus mince, de la plus inutile brochure. Dès que les enchères commençaient à faiblir, le commissaire priseur les relevait par de savantes excitations comme celle-ci. « 254 francs, voyons, monsieur, suivez, monsieur, c'est pour rien, 254 francs. Et il y a un autographe de la marchande de poissons du coin de la rue Saint-Honoré. Un autographe du temps, messieurs. Voyons, suivez, messieurs. 255, 10, 15, 80, 300. Et les enchères repartaient de plus belle. J'entrais moi aussi dans cette folie. J'achetais quantité de petits livres, tels que L'art de mettre ses bas, Notes indispensables sur l'emploi de la casserole à dôme, Le potier galant, pour curieuses révélations sur les pieds de la duchesse de Berry, L'almanach des marchands de beurre, qui sont, paraît-il, rarissimes, et dont je défie bien le liseur le plus patient d'en poursuivre la lecture au-delà de 2 pages. Mais s'il faut dire aussi, pour mon excuse, qu'en dehors de leur littérature, ces petits volumes, dans leur maroquin de l'époque, à grains si fins, à dos si joliment ornés, sont de ravissants bibelots et qui font merveille sur les tables, les étagères et dans les vitrines des salons élégants. Et justement, je venais d'acquérir, à quelle bataille, un bijou, un vrai bijou, la dissertation économique sur les chemises de Madame la Princesse de Polignac, Londres, 1780. Quand, dans la salle silencieuse d'émotion, après le furieux coup de feu de cette enchère, un petit vieillard rentra. Il était fort joli, de mine soignée, élégante même, sa figure toute rose, sa barbe toute blanche, courte et lustrée, ses yeux de bonté, la discrétion charmante de son allure, tout en lui me fut aussitôt sympathique. Et cette sympathie s'augmenta vivement de ce que je remarquai combien il paraissait timide, d'une timidité rose de jeune fille. Et il chercha modestement à s'insinuer parmi les rangs pressés de la foule, et je vis bien qu'il eût été heureux de trouver un siège près de la longue table où les amateurs, accoudés et graves, s'hypnotisaient à lire des alléchantes remarques du catalogue. Spontanément, je lui cédai ma chaise. Le vieillard rougit, s'excusa, me remercia et finit, grâce à mes chaleuses instances, par accepter le siège que je lui offrais. Les enchères un instant ralenties par l'entrée du petit monsieur et le colloque de politesse qui s'était engagé entre nous deux reprirent plus batailleuses et plus violentes que jamais. Je fis le tour de la salle et vins me réfugier dans la partie réservée aux personnages de marque, de telle sorte que j'avais en face de moi le nouvel arrivant et que je pouvais l'examiner tout à mon aise. Pressé entre deux marchands, il n'osait pas lever les yeux au-dessus de la table. Et chaque fois que son regard timide et doux s'égarait un peu dans la salle et rencontrait un visage, le sien, de rose qu'il était, devenait rouge, pourpre, violet, presque noir. Il resta ainsi, immobile, et les yeux baissés, durant une heure, et durant cette heure, je vis ses mains très pâles et très maigres gratter le tapis de la table, d'un mouvement un peu fébrile, qui dévoilait l'anxiété de son âme. Tout à coup, l'expert appela le numéro 4-414 du catalogue. C'était un livre indifférent, mais dont la reliure très riche portait, incrustée dans le maroquin du plat supérieur, une miniature sans valeur. Le portrait d'une femme, qu'on devinait extrêmement belle, avec la gorge nue et les seins pointants. Je remarquai que le petit monsieur avait tressailli et qu'il s'agitait fébrilement sur sa chaise. Il était visible aussi qu'il souffrait réellement de ce que le livre circula de main en main sous les regards et les libres propos de tout le monde. « 500 francs, marchand !» cria l'expert. « 550 !» balbutia le petit monsieur. Il y eut un silence. L'enchère n'était pas relevée. Le marteau de commissaire allait s'abattre quand, poussé par je ne sais quelle pensée méchante, par une sorte de perversité que je n'eus pas le temps de raisonner, « 1000 francs !» articulai-je d'une voix de défi. Le vieux petit monsieur houla vers moi un regard où il y avait de l'étonnement et de la supplication à la fois. « 1050, fit-il, et sa voix tremblait comme une petite plainte. « 1500 !» Et ma voix sonnait comme une provocation. « 50 !»« 2000 !»« 50 !»« 6000 !» La salle haletait, tous les regards étaient sur nous. Je ne voyais plus les yeux du petit monsieur. Mon enchère, on eût dit qu'elle l'eût empoignée à la nuque, et de mouvement brutal, impérieux, qu'elle eût collé le visage sur le tapis. « 50 !» Et c'était comme un soupir d'enfant, très loin, très loin. 10 000 ! 50 ! 15 000 ! L'ivresse me gagnait. 50 ! 20 000 ! Mes enchères tombaient avec fracas dans la salle, comme des bombes. Celle du petit monsieur n'était plus que des souffles, des frôlements de voix, plus rien. 50 ! Il avait un peu relevé la tête, et je vis une larme, une pauvre larme, mouiller ses cils et descendre lentement sur ses paupières. Je m'acharnai, d'autant plus que je savais mon acharnement sans danger. « 30 000 !» hurlai-je. « 50 !» Alors les doigts du petit vieux cessèrent de gratter le tapis, et sa tête roula comme une boule sur la table. Il venait de s'évanouir, tandis que le marteau du commissaire, retombant d'un coup sec, mettait fin à cette scène angoissante. La syncope dura quelques secondes. Quand il fut revenu à lui, c'est que, dit-il, je ne savais pas, je ne pouvais pas prévoir, je n'ai pas d'argent sur moi. Votre nom seulement, donnez votre nom. Son visage tout blanc par l'évanouissement s'empourpra comme une pivoine. Et il bégaya. Je ne puis pas, je ne puis pas. Eh bien, mettez Monsieur Joseph, je vais aller chercher l'argent. Je n'aurais jamais pensé que... Et ses pauvres yeux vacillants m'envoyèrent comme un doux reproche. Il semblait me dire « Pourquoi tu fais cela ?» Et il n'avait pas de haine. Non, en vérité, pas de haine. la livrée de naissance. Je m'appelle Yves Lagoanec. Avec un tel nom, de quel pays voulez-vous que je sois, sinon de Bretagne? Je suis né dans les environs de Vannes, en Morbihan, qui est tout ce qu'il y a de plus bretonnant dans toute la Bretagne. Mon père et ma mère étaient de petits cultivateurs, très malheureux, très pieux et très sales. Ivrognes aussi, ça va de soi. Les jours de marché, on les ramassait, dans quel état, mon Dieu, le long des chemins. Et bien des fois, ils passèrent la nuit à dormir et à vomir, au fond des fossés. Selon la coutume du pays, je grandis dans l'étable, avec les cochons et les vaches, comme Jésus. J'étais tenu si mal proprement, j'avais sur moi tant et tant d'ordures accumulées, que lorsque mon père venait, le matin, nous réveiller, les aliments et moi, il lui fallait quelques minutes avant de me distinguer des bouses. On m'éleva dans toutes sortes de superstitions. Je connus par leur nom les diables de la lande, les fées de l'étang et de la grève. Avec le pater, il avait quelques cantiques en l'honneur de Sainte Anne et l'histoire miraculeuse de Saint Eugène. C'est tout ce que je connus. J'appris aussi à honorer le révérend père Monnoir, qui, par une simple imposition de la main sur la langue des étrangers, leur inculquait le don de la langue bretonne, ainsi qu'il appert d'une fresque remarquable que tout le monde peut voir en la cathédrale de Quimper-Corentin. Je puis dire, non sans orgueil, que j'étais un des enfants les mieux instruits et les plus savants de la contrée. Tout le long du jour, jusqu'à l'âge de 15 ans, je gardais dans la lande un petit cheval roux, un petit cheval fantôme, sur le museau duquel, à force de se frotter aux ajoncs, avaient poussé deux longues moustaches grises. Et trois brebis, noires comme des démons, avec des yeux rouges et aussi de longues barbiches pointues de vieux bouc, me suivaient en clopinant et bêlant. C'est le cas de se demander de quoi tout cela disait. De l'air du temps, sans doute. À la grâce de Dieu, probablement, car, pour ce qui est de l'herbe, il n'y avait ni gras ni lourd dans la lande, je vous assure. Enfin, j'étais un garçon bien obéissant et bien respectueux, craignant Dieu, respectant le diable et toujours seul. Jamais une pensée mauvaise, comme en ont tant d'autres enfants, n'était entrée dans ma cervelle. Pour être tout à fait juste, je devrais dire que jamais aucune pensée, de quelque nature qu'elle fût, n'était entrée dans ma cervelle. Pas même le soir, ma mère étant morte, mon père fit venir ma sœur, qui était mon aînée, dans son lit. « Ne vous récriez point, et ne croyez pas que c'est là une dépravation de l'instinct, une débauche contre nature. Non, c'est l'habitude chez nous, et ça n'empêche pas de vivre en brave gens, de faire ses dévotions et de suivre les pèlerinages. Au contraire, mon père eut de ma sœur deux enfants, qui furent mes frères aussi bien que mes neveux, et ils ne vécurent que peu de moi. Mais je ne sais pas pourquoi je raconte tout cela. Ça n'a aucun rapport avec la suite de mon histoire. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Comme tout le monde, je fis mon service militaire et j'eus bien de la peine à apprendre quelques mots de français, car je ne parlais que le breton, de quoi je tirais beaucoup d'Avani et beaucoup de Orion. Quant à lire et à écrire, ça par exemple, en dépit de mes efforts et de mon application, il me fallut y renoncer. Pour m'être obstiné à ce travail, tout ce que je gagnais, en fin de compte, ce fut une espèce de fièvre cérébrale dont je faillis mourir et dont je sens bien parfois qu'il m'est resté dans le crâne quelque chose de pas naturel. Mais je garde de ma convalescence à l'hôpital de Brest et d'une certaine sœur Marie-Angèle, dont les mains blanches rotèrent mon âme qui voulait s'envoler hors de moi, un souvenir charmant et très doux. J'y pense souvent, comme à ce grand signe que je vis un soir d'hiver, passer au-dessus de la lande, une fée peut-être, et peut-être l'âme d'une sainte, comme l'était cette si jolie sœur Marie-Angèle qui me sauva de la mort. Et il n'y a pas d'exemple qu'au sortir de l'armée, un breton, se trouvant dans les conditions où j'étais, ne se fasse domestique. La Bretagne est la terre classique du servage. Elle sert Dieu, la patrie et les bourgeois. Je me fis donc domestique. J'entrai d'abord chez un notaire de Vannes, ensuite chez un médecin de Rennes. On y fut content de moi. À la vérité, j'étais ponctuel, fidèle, sobre et de bonne conduite. Et je suppléais à mon ignorance totale par des trucs d'ingénieuse mnémotechnique. Mais je ne gagnais que très peu d'argent et je n'avais qu'une idée, me rapprocher de Paris, où l'on disait que dans les places, il n'y avait qu'à se baisser pour ramasser de l'or et de l'or à poignée. Après le médecin de Rennes, ce fut une sèche dame à Laval. Je n'y restais que 8 jours, car étant très avare, elle nous laissait crever de faim. De Laval, dont je n'ai rien à dire, je passai au Mans, chez un ingénieur, et du Mans à Chartres, chez un évêque, où la cuisinière, une grosse femme, à triple menton et à quadruple ventre, m'apprit, un soir d'orage, ce que c'est que l'amour, et me força à boire, coup sur coup, 5 verres de chartreuse, dont je fus si malade que je pensais étouffé. Enfin de Chartres, j'arrivai à Paris, dans un bureau de placement. Je crus cette fois que j'avais conquis le monde. Vous le voyez, je suivais mon idée, et je faisais la ligne, sans m'écarter, à droite ou à gauche, du but suprême où rayonnait la fortune. Dans ces diverses étapes, je me formais, et j'acquérais la science de mon métier, au point que, débarquant à Paris, je pouvais servir, je ne dis pas chez des princes et des ducs, mais dans de braves maisons bourgeoises, aussi bien comme cocher que comme valet de chambre. Le surlendemain de ma triomphale entrée dans la capitale, je fus présenté à un vieux petit monsieur, tout en deuil, à qui il venait d'arriver un affreux malheur. Son cocher, le cocher que je devais remplacer, avait assassiné sa femme, dans des conditions mystérieuses, et pour des raisons toujours inconnues des magistrats, alors qu'il est. Il me raconta ce tragique événement avec beaucoup de discrétion et de tristesse. Il avait une figure un peu ridée, mais très sournoise, un long par-dessus ouaté, comme une douillette de prêtre, et ses mains, très blanches, faisaient, en remuant, un petit bruit d'osselet. Comme il lisait mes certificats, qui étaient excellents, il me dit, en hochant la tête, et avec de l'effarement dans son regard, les siens aussi étaient parfaits. Il ajouta timidement, Vous comprenez, il me faut des renseignements précis et sérieux sur les serviteurs que j'engage, car maintenant je suis tout seul. Et si je tombais encore sur un assassin, ce n'est plus ma femme, c'est moi qui serai assassiné. Ah, vous comprenez, je ne peux pas prendre comme ça le premier venu. Monsieur peut croire que je ne suis pas le premier venu, déclarai-je. Un domestique qui serait le premier venu n'aurait pas servi chez un évêque. Sans doute, mais que sait-on ? Et son regard semblait vouloir pénétrer en moi, descendre en moi, jusqu'au fond de l'âme. Et puis, voilà, objecta-t-il après un silence, vous êtes breton. L'autre aussi était breton. Vous avouerez que c'était guère encourageant. Mais monsieur C, répondis-je, avec une assurance de scapin dont je fus moi-même tout étonné. Monsieur sait que si tous les bretons ne sont pas des domestiques, tous les domestiques sont bretons. Oui, oui, mais ça n'est pas une raison. Je suis tout seul maintenant. Je suis très vieux. J'ai beaucoup de choses chez moi. Montrez-moi vos mains. Je lui tendis mes mains. Il les examina attentivement, mesura pour ainsi dire la longueur des doigts, l'écartement du pouce, en fit jouer les jointures et dit « Elles n'ont pas mauvais air, elles n'ont pas l'air terrible. Ce sont des mains de travailleurs, » déclamai-je fermement. « Oui, oui, enfin, nous verrons, nous réfléchirons. » Ni les certificats, ni l'examen médical, ni le minutieux interrogatoire qu'il me fallut subir ne furent jugés suffisants. Le petit monsieur désira envoyer à toutes les personnes chez qui j'avais servi un questionnaire très détaillé sur mon caractère, mon état mental, mes qualités évidentes, mes défauts possibles, mes dispositions au meurtre, ataviques ou autres, etc. Je n'avais rien à redouter de cette enquête, et je m'y prêtais de la meilleure grâce du monde, car vous pensiez bien que j'avais négligé de compter parmi mes références celle du fermier de Quimper. Mais au fond de moi-même, énervé par ces défiances, horripilé par cette sorte d'espionnage physiologique auquel, comme un criminel, j'avais dû me soumettre, je sentais pour la seconde fois se lever des pensées obscures et de troubles désirs dont il me semblait qu'ils exhalaient une odeur âcre et forte, grisante et terrible. 8 jours après cette entrevue, le petit monsieur me fit prévenir que je pouvais arriver chez lui avec mes bagages et prendre immédiatement possession de mon service de cocher. J'y allais tout de suite. Mon nouveau maître habitait dans la rue du Cherche-Midi, une très ancienne maison qui, malgré d'annuelles réparations, gardait un aspect fort délabré. Lui-même était un vieux maniaque. Il collectionnait, je vous demande un peu, des étés noirs. Thank you. Deuxième partie. Ai-je dit que mon maître s'appelait le baron Bombix ? Je m'aperçus tout de suite qu'il était avare et méticuleux, bien que sa maison se composât d'une gouvernante, d'un valet de chambre et d'une cuisinière. Il ne voulut laisser à personne le soin de m'installer. Il me montra l'écurie, la vieille jument blanche, une bête déjà bien lasse, et qui tremblait sur ses jambes arquées. « Elle s'appelle Fidèle, me dit-il. « Oh, oh, Fidèle, oh, oh !» Et lui caressant la croupe, il entra dans le box. « C'est une bonne jument. Elle est très douce. Je l'ai depuis 19 ans. « Oh, Fidèle, n'est-ce pas, Fidèle ?» Fidèle tourna la tête vers son maître et lécha la manche de son par-dessus. « Voyez, un mouton. Seulement, elle a une manie. Elle n'aime pas qu'on les trie de droite à gauche. Elle veut qu'on les trie de gauche à droite. Comme ça, tenez. » Le baron, avec sa main allant et venant sur le ventre de la bête, imitait le mouvement de l'étrille. C'est une manie, il suffit de la connaître. De gauche à droite, vous vous rappellerez. J'examinai les jambes de Fidèle, raidies et déformées par des éparvins. Elle doit boiter, cette jument-là, demandai-je. Un peu, répondit le baron. Elle boite un peu, c'est vrai. Dame, elle est plus jeune. Mais elle n'a pas un service dur. Je la ménage. Je fis une grimace et pris une voix grognonne. C'est ça, elle ne tient pas debout, c'est un vieux carcan. Et puis, si elle se fiche par terre, monsieur le baron dira que c'est de ma faute. Ah, je connais le truc. Mon maître me regarda de coin, en clignant de l'œil, et il dit « Il ne s'agit pas de ça. Elle ne bute jamais. Non, c'est moi qui bute peut-être, grommelai-je entre mes dents. Je me sentais très libre, très à mon aise avec ce pauvre homme qui m'avait du premier coup livré toute sa faiblesse. » Et j'éprouvais comme un violent plaisir à le dominer par l'insolence et par la peur. Je vis dans ses yeux passer quelque chose comme un reproche. Mais il n'osa pas répondre à ma grossièreté, et sorti du box, il referma. « Oh, oh, Fidèle, oh, oh !» Et nous allâmes dans la remise. Sous une housse de lustrine grise dormait une vieille berline, comme je me rappelais en avoir vu parfois dans mon enfance, emporter des caricatures de marquises sur les routes de là-bas. Dans un coin étaient empilées des caisses vides d'épicerie et des boîtes de fer blanc, vides aussi et bosselées. Je fus humilié. Certes, je n'espérais pas entrer, du premier coup, dans une maison ultra chic, revêture de somptueuses et correctes livrées, et mener des purs sangs de 20 000 la paire, mais je n'avais pas non plus compté, à Paris, m'enterrer dans ces poussières anciennes, rétrogradées vers un passé disparu. Depuis le jour que je me promenais par la ville, aux endroits les plus élégants, bien les idées, bien les ambitions m'étaient venues, et je sentais battre en moi-même une âme moderne. Je me consolais en pensant qu'il fallait bien commencer par quelque chose, prendre, pour ainsi dire, l'air de ce pays nouveau, et je me promis à moi-même de ne pas rester longtemps dans cette bicoque. Je soulevai la housse et jetai sur la voiture un coup d'œil méprisant. « Ce n'est pas non plus une jeunesse, dis-je. Ah, Mazette, non !» Le vieux Bombix n'eut pas l'air d'avoir entendu cette réflexion. Il ouvrit une porte. « Voici la sellerie, » fit-il. C'était une pièce très étroite, pavée de carreaux de briques, lambrissée de sapins vernis, de vernis plutôt. Les harnais, posés sur des chevalets, semblaient parler entre eux, de choses surannées. L'air humide avait terni les cuirs et noirci les boucles de métal. Un petit poêle qu'on n'allumait pas, et dont le tuyau crevait et traversait le mur, donnait la réplique à une chaise dépaillée, à qui manquaient les traverses du dossier. Sur une planche couverte d'un papier goudronné, était rangée la livrée de l'ancien cocher. « Je vous prie d'essayer, » me dit mon maître. « C'est que, objectai-je, je n'aime pas beaucoup entrer dans les habits d'un autre. »« Une livrée, » déclara le baron, « ça n'est pas des habits. C'est à tout le monde et ça n'est à personne. Celle-ci est d'ailleurs presque neuve. Il ne l'avait pas mise plus de 10 fois quand... » Il n'acheva pas la phrase que coupa un pli grimaçant de sa bouche. « N'importe, » insistai-je, « je n'aime pas ça. Surtout quand je l'ai fait passer à l'étuve. » Et après quelques secondes de silence, il ajouta d'une voix moins timide, « Je désire que vous l'usiez. On n'y voit plus l'étage de sang. Je ne puis pourtant pas acheter tous les jours des livrées neuves. Enfin, chacun va selon ses moyens. Enfin, soit, concédai-je. Mais monsieur le baron doit comprendre que ça n'est guère engageant. Encore, s'il n'avait pas été un assassin, il était très propre, » répliqua le baron. « Allons, essayez de livrer, elle doit vous aller à merveille. » Ayant examiné ma taille, la largeur de mes épaules, il répéta, « Elle doit vous aller. Elle vous ira certainement. » Je pris la livrée et la dépliai. C'était une tenue bien modeste, et avec laquelle il n'y avait pas moyen de faire le faro. veston de drogué bleu, gilet bleu, pantalon bleu, avec un passepoil rouge, casquette de cuir verni, ornée d'un galon d'or. Il y avait aussi un gilet d'écurie, à raies rouges et noires. Tout cela, en effet, était propre et comme neuf. À peine si je remarquais sur le drap, au coude du veston, au genou du pantalon, des places plus luisantes. J'essayais de la livrer. « Je vous l'avais bien dit, s'écria le baron. Elle vous va admirablement. Elle vous va mieux qu'à lui. Elles sont taillées exprès pour vous. » « Je ne trouve pas, dis-je. Qu'est-ce que vous ne trouvez pas? Elle est tout à fait à votre mesure. Mais regardez-vous dans la glace. Le veston n'a pas un pli. Il vous moule. Le pantalon tombe très bien, très droit. C'est merveilleux. » Alors, d'une voix lente et grave, je prononçai. « Je n'ai pas besoin de me regarder dans la glace. Cette livrée me va très bien au corps, possible. Mais c'est à l'âme qu'elle ne me va pas du tout. » Le baron maîtrisa l'effroi qui, soudain, était apparu dans ses yeux. « Qu'en allez-vous dire par là? Pourquoi me dites-vous cela? Vos paroles n'ont aucun sens. » « Les paroles ont toujours un sens, monsieur le baron. Et si les miennes n'en avaient pas, vous ne trembleriez point de peur en ce moment, comme vous faites. Eh? Moi? Ta ta ta! Tous les Bretons sont un peu toqués. » Mais il avait résolu de fermer ses oreilles aux voix qui, à cette minute même, j'en suis sûr, se multipliaient en lui et lui disaient et lui criaient « Cet homme a raison, achète-lui une livrée toute neuve. Brûle celle-ci en qui, malgré les tuves et les acides du teinturier, habite un démon, n'en garde même pas les cendres. » Et brusquement, avec des gestes fébriles qui faisaient craquer les jointures de ses longues mains blanches, il me dit « Venez, maintenant que je vous montre votre chambre. » La chambre se trouvait au-dessus de l'écurie et à côté du grenier. On y accédait par un petit escalier de bois où traînaient toujours des brindilles de paille et des poussières de foin. Un vrai galetas que cette chambre, et dont un chien n'aurait pas voulu pour sa niche. Tout de suite, je me dis, attends un peu que j'ai levé dans le quartier une jolie femme de chambre, une jolie petite fruitière, une jolie petite n'importe quoi, et tu verras si je pose longtemps là-dedans. Une couchette de fer avec un matelas sordide, deux tabourets paillés, une table de bois blanc supportant une cuvette ébréchée, composait le mobilier. Pas de placard, une simple penderie, au-dessus de laquelle était fixée une tringle de fer, où sur des anneaux courait un rideau de vieille indienne usée et pourrie, à palme rouge. Sur l'escabeau, près du lit, trônait un vase de nuit, en grès brun, et qui avait été jadis, je pense, un pot à beurre, et l'odeur du purin montait entre les fentes du plancher. « Eh bien, vous voilà chez vous, » me dit le vieux Bombix. « Ce n'est pas luxueux, mais il ne vous manque rien. » Il allait partir, quand tout d'un coup... « Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est moi qui fais les achats d'avoine, de paille et de foin. Vous n'avez pas à vous en occuper. » Vous n'avez pas le sou du franc sur les fournitures de l'écurie. Vous n'avez que vos gages. C'est un principe ici. Et il sortit de la chambre. Je me jetai sur la couchette. Il se passait en moi quelque chose de bizarre et d'effrayant. À la minute même où j'avais revêtu la livrée de l'ancien cocher, j'avais senti sur ma peau comme une démangeaison. Puis cette démangeaison, peu à peu, entrait en moi, s'imprégnait en moi, descendait dans ma chair, au plus profond de mes organes, et elle se faisait brûlure. En même temps, d'étranges pensées, troubles encore, montaient à mon cerveau, qui semblait se gonfler de brouillard rouge et de vapeur de sang. « Vieux Grigou, hurlai-je, c'est toi qu'on aurait dû tuer. » Je me levai, j'arrachai violemment mes habits, et je marchai tout nu dans la chambre, longtemps, longtemps. Puis ma fièvre finit par se calmer. J'accrochai la livrée au porte-manteau de la penderie, revêtis mes habits à moi, et j'allais retrouver Fidèle dans l'écurie. Oh, Fidèle, oh! Troisième partie. C'est dans ces conditions singulières que je pris mon service chez le vieux baron Bombix. Service peu accablant et facile, et qui me laissait, je dois le dire, beaucoup de liberté. Je n'avais qu'à soigner Fidèle, laver la voiture, astiquer les harnais. Deux fois par semaine, le matin, je conduisais la gouvernante au marché, chez les fournisseurs, et le dimanche à la messe. Il était rare que nous sortions du quartier. Durant les 3 mois que je demeurais dans cette place, nous ne passâmes qu'une fois les ponts, et nous gravîmes Montmartre pour aller chez un drôle de type, un nommé Éric Satie, où l'on avait dit à mon maître qu'il y avait d'étonnants étés noirs chaldéens, faits d'un métal inconnu et ornés d'inscriptions magiques. C'était de la blague. Il se trouva que ces étés noirs n'étaient autres que les boutons de porte de l'ancien appartement d'un nommé Joséphin Péladan, qui est, paraît-il, une espèce de dentiste vantant je ne sais quelle fiole dans les foires. Ah, la fureur du vieux Bombix! Doux et timide à l'ordinaire, dans la vie, il était inflexible et féroce sur le chapitre des étés noirs. Ses courses ne m'amusaient pas, car j'avais à subir bien des avanies. Cette vieille jument boiteuse qui semblait venir directement des pâturages symboliques de l'Apocalypse, cette antique voiture plus apocalyptique encore que la jument, ma livrée aussi, dont la casquette trop large me couvrait entièrement les oreilles et la nuque. Et sur le front grisâtre de la garniture à petites fleurettes, ces deux étranges visages, l'un celui de la gouvernante, molle et boursouflée, perdue dans les fanfaluches d'un mode caricatural, et disparue, l'autre celui du baron, sec et pâle, avec des yeux toujours effarés, sortant du velours passé de la douillette comme de son écrin noir. Un tout petit ivoire, jauni et frotté par les siècles, tout cela excitait les rires des passants dans la rue. On nous suivait, on nous lançait des acclamations grotesques. Les nazis insultants pleuvaient sur nous, comme sur des masques crottés, un jour de carnaval pluvieux et sale. Ma dignité eut beaucoup à souffrir de ce ridicule, et plus encore de ce ridicule que de m'enivrer. Je détestais le baron qui avait la cruauté de me l'imposer. Jamais je ne pénétrais dans les appartements de M. le baron. Ils étaient, paraît-il, remplis de vitrines dans lesquelles il rangeait soigneusement, méthodiquement, par époque et par pays, ses étés noirs. Au dire des gens du quartier, il y en avait pour plusieurs millions, des millions d'étés noirs, et il en achetait toujours. La matinée, ce n'était qu'aller venu de brocanteur. À midi, après son déjeuner, le baron sortait, toujours seul, toujours à pied, et il courait jusqu'à 6 heures les boutiques de ferraille, les magasins de curiosités. Je ne voyais qu'à 7 heures tous les matins. Il venait passer l'inspection de l'écurie et se rendre compte par lui-même où en était l'avoine. Puis il caressait la coupe de la jument. « Oh, oh, fidèle, oh, oh !» Et il s'en allait, sans jamais m'adresser la parole. Non par mépris, mais par crainte plutôt, et pour ne point rencontrer mes regards qui, je l'avais remarqué, le troublaient d'étranges façons. La cuisinière et le valet de chambre m'avaient très mal accueilli dès la première fois. C'étaient de vieilles gens, à face humble, à dos courbé, à gestes de dévot. Je sentis tout de suite que ce devait être de profondes canailles, qu'ils s'entendaient merveilleusement pour voler le patron et mettre la maison, étaient noirs à part, en coupe réglée. Les heures des repas étaient pénibles. Nous mangeions silencieusement, à la hâte, nous disputant les morceaux et la bouteille de vin avec des expressions et des mouvements de bêtes ennemies. Et dans leurs faces, vermoulues, poussiéreuses, comme les lambris, les solives et les escaliers de cette maison, se levaient de temps en temps vers moi des regards de haine, des regards d'une haine si amère et en même temps si lourde que j'avais peine vraiment à en supporter le poids. Mais c'était surtout ma livrée qui m'exaspérait le plus, et me rejeter le plus violemment à la porte de moi-même. Quand je l'avais sur la peau, et par une anomalie étrange, par une invincible perversité, je ne voulais plus la quitter, même en dehors de mon service, je n'étais plus réellement moi-même. Un autre se substituait à moi, un autre entrait en moi, s'infiltrait en moi, par tous les pores de mon derme, éparpillait en moi, pareille substance dévoratrice, subtile et brûlant comme un poison, et cet autre s'était à n'en pas douter, l'ancien cocher, le cocher assassin, dont l'âme de meurtre était restée dans les habits que je portais. De quoi était formée cette âme? Je tentais vainement de le savoir. Était-ce un gaz, un liquide, un mucilage, une réunion d'invisibles organismes? J'essayais de tout pour la tuer. Je me ruinais en benzine, en camphre, en poudre insecticide, en lavage de pétrole, en pulvérisation savante des puissures antiseptiques. Rien n'y fit. L'âme résista à toutes les expériences. Et ô prodige terrible, ô mystère affreux, le drap ne fut pas brûlé par une infusion prolongée dans de l'acide sulfurique, tant cette âme obstinée avait imprégné l'étoffe de son immortalité. Non seulement le drap ne fut pas brûlé, mais l'âme y gagna d'être plus actif, plus ardente, plus virulente. Je la nourrissais, je la fortifiais de ce qui aurait dû la tuer. De l'or, je l'abandonnais et m'abandonnais moi-même à son destin. Pourtant, j'ai voulu lutter. Comme le baron était venu, à son air habituel, visiter l'écurie et caresser la jument de son box, « Oh, oh, fidèle, oh, oh !» je lui dis d'une voix ferme, « Monsieur le baron a tort de ne pas me donner une autre livrée. » Et j'accentuai en faisant un geste que j'essayais de rendre mystérieux et troublant, et grave aussi, Il a tort. Que le monsieur le baron comprenne enfin qu'il a tort. Est-ce qu'elle est usée déjà ? Demanda-t-il. Je regardais fixement le vieux Bombix et secouant la tête. Non, répondis-je, cette livrée ne s'usera jamais. Elle ne peut pas s'user. Je sentis qu'un petit frisson courait sous sa longue douillette. Ses paupières battirent comme des persiennes secouées par le vent. Il dit « Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi me dites-vous cela ?»« Je dis cela, monsieur le baron, parce qu'il faut que monsieur le baron sache. Il y a une âme dans la livrée. Il est resté une âme dans la livrée. »« Il est resté quoi ? Quoi ? Une âme. Je vous dis une âme. C'est assez clair. Vous êtes fou. » Que monsieur le baron me permette de lui répondre, avec tous les respects que je lui dois. C'est monsieur le baron qui est fou. J'avais parlé lentement, affirmativement, et j'essayais de dominer ce vieil homme par des regards impérieux. Le baron détourna la tête et, saisi d'un petit tremblement, il ramena sur sa maigre poitrine les pans lâchés de sa douillette et dit d'une voix timide « Ne parlons plus de cela, mon ami, c'est inutile. Quand elle sera usée, je vous en donnerai une autre. » Il eut un pâle sourire et il ajouta « Vous êtes trop coquet, vraiment. Et je ne suis pas assez riche. Diable ! Alors je n'insiste plus. Moi, mais reprenant une physionomie hostile, soit, criai-je, comme monsieur le baron voudra. Et s'il nous arrive un malheur, c'est monsieur le baron qui l'aura voulu. Au diable ! Je saisis la fourche et remuai violemment la paille du box. Oh, oh, tourne, fidèle ! Oh, oh, fidèle ! Oh, oh, sacré roche ! La paille volait aux dents de la fourche, quelques parcelles de crottin frais allèrent éclabousser la douillette du baron. Et le pauvre fidèle, étonné de cet emportement, piétina de ses sabots raides le dallage dur de l'écurie et se rencogna dans l'angle de la mangeoire, me regardant d'un œil inusité comme on regarde les fous dans les asiles. Le baron m'arrêta et il me demanda de quel malheur parlez-vous ? Dans sa terreur, il eut pourtant la force de hausser les épaules. Et je répliquai est-ce que je sais, moi ? Est-ce qu'on sait ? Avec une âme de démon comme celle-là ? Oh diable ! Oh diable ! Le vieux Bombix jugea prudent de quitter l'écurie. Il fit bien. Car à cette minute même, je sentais réellement, physiquement, l'âme de l'ancien cocher s'agiter en moi, descendre en moi, se couler dans mes membres et, au bout de mes mains, pénétrer dans la manche de la fourche, qu'elle gonflait comme un autre bras, de l'invincible, du torturant, du rouge désir de tuer. Quatrième partie. Redouté de mon maître, repoussé des gens de l'office et chassé de moi-même, je ne tardais pas à devenir une profonde crapule, et cela sans effort, sans luttes intérieures, tout naturellement. Paresseux insigne, effronté menteur, chapardeur, ivrogne, coureur de filles, j'eus tous les vices, toutes les débauches, les pratiquai avec une science merveilleuse de leurs pires secrets, comme s'ils m'eussent été une habitude déjà longue. Il me semblait que j'étais né avec ces terribles et ignobles instincts que pourtant je venais d'hériter avec la livrée de l'autre. Ah, le temps était loin où, chez le brave notaire de Vannes, serviteur inquiet et plein de zèle, je tremblais de ne jamais remplir assez rigoureusement mes devoirs, où je me tuais pour ne pas laisser un grain de poussière sur la robe du petit cheval, où j'ai dépensé les forces de débardeur à frotter les cuivres, à faire reluire, par exemple, l'acier d'un mort, anciennement gravé par la rouille. Mais il ne restait plus rien de ce petit homme actif, laborieux, dévoué, timide que j'étais quand j'étais moi-même. Maintenant, mon service, pourtant si facile, et rétribué au-delà de ce que j'avais espéré, je le négligeais complètement. Fidèle était mal tenu, sale, les jambes jamais faites, la tête mal propre, comme celle de quelqu'un qui reste 8 jours sans se raser. D'innombrables équipes de vermines habitaient sa crinière et sa queue, que j'avais pris le parti de ne jamais plus peigner ni laver. La plupart du temps, j'oubliais de lui donner à manger. Il n'était pas rare que 8 jours se passassent sans que je fisse sur elle le simulacre d'un pansement. Il m'arriva même de la blesser au genou d'un coup d'étrille que je lui donnais sans raison. Le genou enfla, enfla. Le vétérinaire déclara que c'était un accident très grave et prescrivit des ordonnances que je me gardais bien d'exécuter. de quoi je me félicitais, car la pauvre bête guérit plus vite, sans doute, d'avoir pas été soignée. Et il faut toujours s'en remettre à la nature, voyez-vous. Elle seule sait exactement ce qu'il y a dans le genou des vieilles juments, comme dans l'esprit obstiné des vieux Bombix, et aussi et surtout dans la mystérieuse livrée des cochers. Elle seule, ah oui. Ma vie, vous la voyez d'ici, je suppose, et sans qu'il soit besoin de la narrer en ses détails. La nuit, chez les filles, de qui je suis promptement et sans éducation préalable tiré de notables profits, le jour, chez les marchands de vin, où mon temps s'écoula à jouer aux zanzibars, avec d'étranges compagnons, rôdeurs de faubourg, écumeurs de banlieue, pas mal sinistres, et qui venaient voir s'il n'y avait point de bons coups à préparer dans le quartier. Brave type d'ailleurs, généreux à leur manière, et rigolo, et ne tarissaient pas de m'amuser, avec leurs vieux complets anglais à carreaux, leurs casquettes à côtes de drap clair, et leurs bijoux, dont chacun avait une histoire sanglante ou d'amour. Tout de suite, ils avaient compris que j'étais quelqu'un de leur bord, et ils parlaient devant moi, à cœur ouvert, en ami, en frère. Ce quartier est admirable, disaient-ils. Nul autre ne possède de pareils trésors. C'est plein de vieilles demoiselles, dames et veuves, seules ou mal gardées, dévotes en diable, chez qui l'on peut honnêtement travailler, rafler de vrais sacs et d'abondantes monnaies, qui ne doivent rien à personne. C'est plein aussi de très curieux vieillards, rentiers, collectionneurs, avares et maniaques de tout genre, où la récolte serait bonne. Seulement voilà, les vieux, on n'en finit jamais de les estourbir. Le surin s'ébrève sur leurs os. Ils ont un sacré cuir dont on ne peut pas venir à bout. C'est le diable à tuer. Ils racontaient de sauvages histoires, d'horribles et lentes agonies de vieux dans le farfouillement du couteau, épouvantables boucheries, crimes atroces, évoqués avec des voix grasses, ricanantes, et qui, loin de me faire frissonner d'horreur, m'exaltaient plus que des poèmes et des musiques. Un artiste me saoulait plus que l'alcool, un ivrogne, me faisait monter au cerveau l'ardente fumée des ivresses de sang. Plusieurs fois, les coudes sur la table, le menton tout dégoûtant de vin dans les mains, graves et tranquilles, nous philosophions sur le moyen de nous introduire la nuit chez le vieux Bombix. Je le connais, ce qui doit avoir la peau dure, celui-là. Ah, malheur, cette année, disait-le. Faudrait partager avec le valet de chambre, et il a point une gueule d'honnête homme, disait l'autre. Il y a du pour, il y a du con, disait un troisième. C'est chanceux. Et un quatrième me disait, ces étés noirs, qu'est-ce que tu veux que nous fichions de ces étés noirs? Ce projet pourtant me souriait. 20 fois, je le remis en discussion, quand l'absinthe flambait dans les yeux de mes 12 amis. Néanmoins, il resta là. Si le vieux baron, maniaque et méticuleux, comme il était, se montra content de mes services, ah, vous devez bien le penser, il enrageait. Seulement, il n'osait pas me faire la moindre observation. À sa petite tournée réglementaire dans l'écurie, le matin, je sentais qu'il s'était bien promis de m'adresser des reproches, toutes sortes de reproches. Mais dès son entrée, je le regardais d'un œil si dur que je lui renfonçais immédiatement dans la bouche les paroles prêtes à en sortir. Alors il tournait et retournait dans le box, mal à l'aise, avec de pauvres petits gestes gauches, et il balbutiait d'une voix tremblante quelques mots incohérents. « Très bien, c'est très bien, un bon crottin, un peu sec, mais bon, tout de même, bon crottin. » Pour augmenter son trouble, je criais, « Il n'y a plus d'avoine !»« Comment, il n'y a plus d'avoine ? Vous en êtes sûr ? Pourtant, il tient à l'avoir encore pour 2 jours. » Et je grognais, « Ah ah, est-ce que monsieur le baron s'imagine que je le mange, son avoine ? Bien, bien, bien, je me suis sans doute trompé, je vais écrire aujourd'hui. » Bon crottin, très bon crottin, un peu noir, mais bon, bon. » Finalement, caressant à sa coutume la croupe de la jument, il disait « Pauvre fidèle, oh, oh fidèle !» Et il s'en allait de son pas vacillant et menu. Le matin, j'étais rentré ivre et je m'abusais, histoire de rire, à peindre en rouge la crinière et la queue de fidèle. Le patron apparut. Le premier moment d'étonnement passé, il eut la force de me demander « Qu'est-ce que vous faites là ?» « Ce qui me plaît, répondis-je. Et de quoi te mêles-tu, vieux Grigou ? Moi à mon écurie, toi à tes étés noirs. Est-ce compris ? Allons, oust !» Le vieux baron appela à lui tout son courage, et il me déclara solennellement, « Votre service ne me plaît pas. Je vous donne vos 8 jours. Vous partirez dans 8 jours. »« De quoi ? De quoi ? Répète un peu. Non, là, répète pour voir. » Je cherchais ma fourche. Mais Bombix avait disparu. Je lui criai tandis qu'il filait dans la cour. « c'est bon, moi aussi j'en ai assez de ta baraque. J'en ai assez de ton sale mufle, entends-tu ? Hé hé, entends-tu, vieux fourneau ?» Alors j'ai quitté l'écurie, m'habillé à la hâte et sorti. Une vraie bordée, et qui dura 3 jours et 3 nuits. Ce fut que le 4e jour que très vite, pouvant à peine me tenir sur mes jambes, je réintégrai la maison de la rue du Cherche-Midi au petit matin. Je dus attendre, assis sur le trottoir, parmi les ordures, que la porte s'ouvrit. Je n'avais pas d'autre idée que de me coucher, cuver mon vin, dormir des heures et des heures. Non, en vérité, je n'avais pas d'autre. Mais quelle autre idée pouvais-je avoir avec une telle ivresse qui liquéfiait mon cerveau et me soulevait l'estomac en lourde houle de nausée? Je trouvai la porte de ma chambre fermée à clé, la porte du grenier ouverte. Je pénétrai dans celui-ci et d'un bloc, je me laissai tomber sur les bottes de foin qui me parurent un lit moelleux et charmant. Je n'étais pas là depuis 10 minutes que le vieux Bombix montra, dans le rectangle de sa porte, sa silhouette courbée, cassée, tout en angle étrange. Il venait chercher une botte de foin pour Fidèle, et je compris que c'était lui qui, durant ses 3 jours d'absence, faisait mon service. Cette constatation m'amusa. Il ne m'avait pas vu, il ne savait pas que j'étais rentré. Et, grognant tout seul des injures à mon adresse, sans doute, « Bandit, misérable ivrogne, assassin !» Il s'approcha de moi si près que sa main me frôla. Instantanément, je fus dégrisé. Je sentis qu'une joie immense, presque voluptueuse, pénétrait en moi, coulait en moi, je ne sais quoi de puissant qui rendait à mes membres leur souplesse et leur force. Je saisis la main du vieux, je l'attirai près de moi d'un coup sec. Il tomba en poussant un cri, mais de ma main restée libre, j'avais pris une poignée de foin que je lui enfonçai dans la bouche, et, me relevant d'un bond et tenant sous mes genoux le maigre vieillard, je lui serrai autour du cou mes deux mains où il me sembla que toutes les forces éparses dans la terre venaient d'affluer. Je restai ainsi longtemps, longtemps, car je me rappelais les paroles de mes amis. Les vieux, c'est le diable à tuer. Puis, quand il se fut fini, j'empilai aussi sur le cadavre des bottes et de la paille, et soulagé, heureux. Je m'allongeai sur la pile, où je m'endormis d'un sommeil profond et très doux, sans rêve. Traitement. Comme je montais m'habiller pour le dîner, quelqu'un derrière moi dans l'escalier m'appela. « Monsieur Poul, hé, cher monsieur Georges, je vous prie. » Je me retournai, c'était monsieur Tarte. Monsieur Tarte lui-même en tenue de cheval, et qui, fringant, fredonnant, une fleur d'arnica à la boutonnière de son par-dessus mastic, rentrait d'une excursion au port de Vénasque. « Eh, bonsoir, me salua-t-il. Je suis fort content de vous voir, cher monsieur Poul. » Fort content, en vérité. En serrant à la brisée ma main dans ses mains gantées de peau de chien, il répéta, souriant, « Fort content. Fort content. Ah, vous n'imaginez pas à quel point vous m'êtes sympathique, mon cher monsieur Poul. Non, là, vraiment, vous m'êtes un ami, un véritable ami. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aime tout le monde. Vous entendez, j'aime tout le monde. » Ces effusions de monsieur Tarte m'étonnèrent grandement. Il n'était point dans ses habitudes de les prodiguer de la sorte. Bien au contraire. C'était un petit homme, sec, nerveux, maniaque, de gestes fébriles, de voix insolente, et qui s'irritait à propos de tout et de rien. Il était, pour ainsi dire, le cauchemar de l'hôtel. Pas un repas qui ne fût troublé par ses discussions, ses incessantes récriminations. Il ne trouvait jamais rien de bon. Il se plaignait du pain, du vin, du beefsteak, des garçons, de ses voisins. Ses exigences acrimonieuses s'étendaient même sur le système des water closés, qu'il ne jugeait pas assez perfectionné. Ils étaient à tous un supplice quotidien. Et voilà que, tout à coup, il se montrait d'une gaieté affectueuse, débordante, et que son visage, toujours plein de colère, rayonnait tel celui d'un amoureux ou d'un héritier. Que lui était-il donc arrivé? Est-ce que les excursions dans la montagne noire et caverneuse adoucissent les mœurs? Je m'intrigua de savoir la cause de cette brusque transformation. « Alors, joyeuses excursions, monsieur Tarte ? » demandai-je. « Excellente, cher monsieur Poul, excellente. Oh, excellente !» Et comme nous étions, à ce moment, arrêtés devant la chambre, monsieur Tarte me dit, Voulez-vous me faire un grand, grand plaisir? Entrez chez moi une minute. Oh, une minute seulement, cher monsieur Poul, car il faut que je vous raconte mon excursion. Que je raconte à quelqu'un mon excursion, à quelqu'un de cher, comme vous. Je vous en prie. J'aime les originaux, les extravagants, les imprévus, ce que les physiologistes appellent les dégénérés. Ils ont du moins cette vertu capitale et théologale de n'être pas comme tout le monde. Un fou, par exemple, j'entends un fou libre, comme nous en rencontrons quelquefois, trop rarement, hélas, dans la vie. Mais c'est une oasis en ce désert morne et régulier qu'est l'existence bourgeoise. Oh, les chers fous, les fous admirables, êtres de consolations et de luxe, comme nous devrions les honorer d'un culte fervent, car eux seuls, dans notre société servilisée, et conservent les traditions de la liberté spirituelle, de la joie créatrice. Eux seuls, maintenant, ils savent ce que c'est que la divine fantaisie. Vous pensez si j'acceptais l'offre que me faisait M. Tartt? Mais comment donc? Enchanté, M. Tartt. Et je pénétrai avec lui dans sa chambre. Avec empressement, il me désigna un siège, aussi confortable que le permet l'état de la civilisation et du mobilier pyrénéen, et lui-même s'enfonça, s'engloutit dans un fauteuil. Ah, monsieur, cher monsieur Poul, s'exclama-t-il en s'allongeant voluptueusement, vous ne saurez croire à quel point je suis heureux, heureux, heureux. Maintenant, je puis respirer. J'ai un poids de moins sur le cerveau, sur le cœur, sur la conscience. Et quel poids! La maladetta, honoré et estimé monsieur Poul. Oui, j'ai en moins sur le crâne le poids de la maladetta et de toute la chaîne des monts maudits. Je suis libre. Enfin, je me sens léger, volatile, impondérable, si j'ose ainsi dire. Et il me semble que je viens de sortir d'un long, angoissant, infernal cauchemar. Et que, autour de moi, au-dessus de moi, en moi, c'est la lumière. La lumière. La lumière. Enfin, j'ai reconquis la lumière. Et que vous est-il donc arrivé de si extraordinaire? Quel est l'événement merveilleux? Quel miracle? La face toute heureuse, des bras mollement balancés en dehors des accoudoirs du fauteuil, s'étirant comme un chat dans une détente délicieuse de tous ses organes, M. Tartt répondit, « Cher M. Poul, ah, cher M. Poul, j'ai tué un homme. » Et sur son visage et dans sa voix, il y avait une expression de soulagement, de délivrance, une ivresse d'âme exorcisée. « J'ai tué un homme. J'ai tué un homme. » Sur un mouvement de surprise que je ne pus réprimer, M. Tartt m'imposa silence d'un geste de la main. « Ne vous récriez pas, fit-il, ne m'interrompez pas, et laissez-moi vous raconter cette joie libératrice qui m'échut aujourd'hui d'avoir tué. » Ah, comprenez la douceur fondante de ce mot, d'avoir tué un homme. Et en petite phrase courte, heurtée, saccadée, il parla ainsi. « Mon cher monsieur, je souffre d'une pharyngite chronique. Elle a jusqu'ici résisté à tous les traitements. Cette année, mon médecin m'ordonna les humages de X. Vous savez ce que c'est? Il paraît que c'est miraculeux. Bref, je vins humer ici. La première fois que j'entrais dans la salle de humage, l'appareil qui m'était prescrit était déjà occupé. Il y avait un monsieur, le nez, la bouche, le menton enfoui dans l'embouchure du tube. Il humait avec conviction. Je ne le voyais pas bien, je ne voyais de lui qu'un immense front, chauve et monstrueux, et pareil une route de sable jaune entre deux berges de cheveux roux. Tel que je le voyais, il me parut d'une vulgarité dégoûtante. J'ai dû attendre trois quarts d'heure. Cela m'impatienta, et je me promis d'arriver plus tôt le lendemain. Le lendemain, quand j'arrivais, le monsieur était là. Le jour suivant, j'avançais mon heure. Encore lui. « Ah, c'est trop fort » m'écriai-je. « Il ne quitte donc jamais le tube ?» Et j'éprouvais contre cet homme une haine violente. Terrible. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Cette haine grandit, s'exaspéra de jour en jour, car vous ne me croirez pas, et cependant rien n'est plus vrai. Pas une fois, durant 25 jours, non, pas une seule fois, je ne trouvais l'appareil libre. La première chose que j'apercevais en entrant dans la salle, c'était ce front. Et ce front semblait me narguer, rire de moi. Oui, en vérité, il riait de moi. Jamais je n'aurais cru que le simple front d'un homme chauve put contenir tant de provocations en si peu de cheveux. Ce front m'obséda. Je ne vis plus que lui, partout. Plusieurs fois, il fallut me raisonner, me retenir, pour, armé d'un marteau, d'une massue, ne pas frapper ce front obstinément ironique et ricanant. Ma vie devint intolérable. Ah, cher monsieur Poole, j'ai connu durant ces 25 jours l'étrange et douloureux supplice de ne penser qu'à tuer cet homme et de ne pas oser. Le meurtre était en moi, à l'état de désir vague, mais non à l'état d'acte résolu. C'est une horrible souffrance. C'est dans ces conditions morales, et aussi pour échapper, ne fût-ce que quelques heures, à cette obsession affolante du meurtre, que je décidai de faire l'excursion du port de Vénac. Je partis donc ce matin, j'avais un bon guide, un bon cheval, le ciel était un peu voilé. À mesure que je montais, il se dégageait de ses brumes, se faisait radieux, éblouissant. Mais la montagne est terrible. Elle n'éveille que des idées de désolation et de mort. Loin de me distraire de mes préoccupations, elle en augmentait la puissance sinistre. À un certain endroit, l'idée me vint, véritablement providentielle, de quitter la route connue, la route des touristes, et d'atteindre un sommet où la neige étincelait dans le soleil. J'abandonnai mon cheval, la garde du guide, et seul, avec rage, j'attaquai une sorte de cendre dans le roc qui montait à pic au bord d'un gouffre. Rude ascension. 20 fois, je pensais rouler dans le gouffre. Je m'acharnais. Quand tout à coup, je me trouvais face à face, et poitrine à poitrine, avec un homme qui descendait les droites sentes. Ah, jour de Dieu, c'était mon homme, l'homme du tube. Mon sang ne fit qu'un tour dans mes veines. À ce point précis de notre rencontre, le passage était si étroit qu'il était impossible à deux hommes de le franchir de front sans céder mutuellement. Et avec quelle précaution ! Donnez-moi votre main, dis-je à l'homme, et prenez bien garde, car l'endroit est dangereux et profond, l'abîme. On n'en remonte pas. Et comme il tendait sa main, l'imbécile, le triple imbécile, d'une poussée, d'une chiquenote, je lui fis perdre l'équilibre et tomba. Ah, mon Dieu, s'écria-t-il. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je le vis rouler, rebondir d'un roc à l'autre. Et il disparut dans l'abîme. On a bien raison de dire que les paysages ne sont que des états de notre esprit, car aussitôt la montagne me parut resplendissante de beautés inconnues. Oh, l'enivrante journée! Quel apaisement, quelle sérénité! Et comme il monte des abîmes, une musique surhumainement délicieuse. Monsieur Tarte se leva. Comme ça, voyez-vous, me dit-il après un court silence, c'est net, c'est propre. Je n'ai pas de sang aux doigts ni de cervelle sur mes habits. Et l'abîme est discret. Il ne va pas raconter ses petites histoires à tout le monde. Je suis heureux. Heureux. Je respire. Ouf. Puis, regardant sa montre. Mais il est tard. Allez vous habiller quand je compte être joyeux ce soir. Très joyeux. Oui, cher monsieur Poole. Ce soir, du champagne à flot. Des petites femmes. Oui, oui. Et demain, fus-je. Demain. Eh bien, demain, je ne verrai plus ce front. Et je humerai la guérison avec tranquillité. À tout à l'heure. Et doux, souriant, brave homme, M. Tarte m'accompagna jusqu'à la porte.